Mais c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte, volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Bah, dites-le plutôt clairement. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 6, épisode 38. Je procède au rappel traditionnel. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email, notre nouvelle adresse email, dempart@cetemplar.com, dempart@cetemplar.com, service islandais de messagerie que l'on recommande en raison de la législation sur la vie privée islandaise qui reste aujourd'hui l'une des rares à offrir une véritable effectivement protection des données, ce qui n'est plus le cas pratiquement en Europe et même pas en Suisse. Donc voilà. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le forum à Europe Écologie Les Bruns à l'adresse suivante eelb.su. Grâce à ce forum, vous pouvez réagir aux émissions, vous pouvez réagir aux articles qui paraissent sur le site internet Démocratie Participative, dont l'adresse est la suivante, démocratie-participative.wtf, je répète, démocratie-participative.wtf, comme vous le savez, les noms de domaine sautent régulièrement. Donc vous pouvez participer au forum, il y a différentes sections, et un guide racial des villes qui vient d'ailleurs de faire parler de lui pas plus tard qu'aujourd'hui, puisque le marxiste Thomas Porte, je ne sais pas si vous connaissez Thomas Porte, une espèce de personne un peu en vue sur les réseaux sociaux à l'extrême gauche ou à la gauche, il appartient au mouvement de Benoît Hamon, c'est vraiment un gauchiste institutionnel, hein, voilà, il fait des conférences, etc. Voilà. Et alors, il a été choqué de découvrir EELB, et plus spécialement le guide racial des villes. Vous savez, tous nos participants ont pu, par le passé, expliquer les charmes multiculturels de leurs villes respectives, notamment avec des anecdotes, et susciter des réactions d'autres personnes de ces secteurs-là. Et, Thomas Porte est encore en ventilation. Il a appelé Darmanin au secours, hein, en disant ouais, « Au secours, qu'est-ce que vous faites ? Il y a des gens qui sont racistes et qui ont des pseudos nazis, Dixit, hein, et qui parlent eh bien, du bonheur interculturel des villes françaises. » Voilà, alors bon, comme quoi nos échanges eh bien, sont intéressent même à l'extrême gauche. C'est plutôt positif. On a reçu aussi des questions par rapport au flux RSS qui update en fait les émissions quand elles paraissent. Alors, il est temporairement, suspendu. C'est juste une question de temps avant que ça revienne. Donc, pas de panique. En attendant, vous pouvez vous connecter au site pour télécharger les émissions. Hein. Donc, voilà, vous savez où vous rendre. Hein. J'ai donné l'adresse précédemment. Si jamais vous avez des amis qui se posent des questions et qui ne savent pas où trouver l'émission, ben, vous n'avez qu'à vous faire l'écho auprès d'eux des coordonnées que j'ai données précédemment. Alors, on va poursuivre en présentant très rapidement les membres de cette semaine. On a un nouvel intervenant, j'espère qu'il va être apprécié de nos auditeurs, et donc on va commencer par lui, c'est Zyklombix. Salut Zyklombix, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas te fondre dans l'équipe, et j'espère que eh bien, tu vas pouvoir créer un petit lien, ce petit lien particulier avec les auditeurs. Comment vas-tu, cher Zyklombix ? Bonjour Ganda, je vais très bien et espère me répandre dans l'émission comme le gaz dont je porte le nom. J'enchaîne avec Hopman America, qui nous fait le plaisir d'être... Voilà, il est là, bon, il répond présent. En tout cas, pour cette première partie d'émission, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien, Gandalf. Bonjour, les auditeurs. Petit message, parce qu'on m'a fait remarquer, je ne suis pas anti-chrétien ni anti-catholique primaire. Je me pose juste des questions quant à l'avenir des Blancs. Hein, on peut tous discuter de beaucoup de choses, mais il faut que nous trouvions de quoi soutenir l'existence des Blancs dans le futur, tant sur le plan économique que spirituel. Voilà. Voilà. T'as vu peut-être des réactions en écho à certaines déclarations, écoute. C'est un débat. Oui, les gens se sont posés des questions, mais pas d'animosité, hein, entre démocrates participatifs, entre blancs. Nous devons d'être constructifs et intelligents. Et aussi avec nous cette semaine, Fulbert. Salut Fulbert, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne semaine, Fulbert. Bonjour Gandalf. Bah oui, Fulbert va bien et la semaine n'a pas été mauvaise, merci. Et bonjour à tous. Toujours pas piqué ? Pardon ? Tu n'as toujours pas été piqué ? Ah non, non, toujours pas. Réfractaire, c'est positif. Et enfin, est avec nous aussi cette semaine le docteur Poporovitch. Salut docteur Poro. Bonjour à tous. Salut les camarades et bonjour à Zyklombix qui nous rejoint. Oui, Zyklombix qui, je l'espère, sera donc un vrai apport dans l'émission. Nous allons juger sur pièce. Alors, avant de commencer l'émission en tant que telle, les donateurs qui nous écrivent pour nous dire qu'ils nous soutiennent. Alors, comme vous le savez, vous pouvez soutenir le site de démocratie participative et ELB et ses initiatives très heureuses, hein, notamment la géographie raciale de la France, en faisant des dons exclusivement en Monero, hein, crypto-monnaie qui garantit l'anonymat. Je m'en fais l'ardent promoteur. Donc merci à tous ceux qui nous soutiennent par ce biais, qui ne se manifestent pas, mais qui sont quand même très présents. Et maintenant, je passe au courrier de ceux qui veulent se signaler lorsqu'ils nous soutiennent. C'est le cas d'Adolphe Lévy, qui nous écrit ce message. Alors en fait, il sert d'intermédiaire pour une personne en fait, qui n'est pas familière des crypto-monnaies, mais qui tient à nous soutenir. Alors voilà, bonjour chers démocrates, voici un nouveau don de 0,84 Monero de Monseigneur Mayol, dont je me fais l'intermédiaire. Continuez, ne lâchez rien, la vérité nous rendra libres. Merci. Oui, ça c'est une petite mention, évidemment, effectivement. Voilà. Alors merci à Monseigneur Mayol de l'UP, hein, bien sûr, à Adolphe Lévy pour avoir joué l'intermédiaire financier, mais c'est dans son patronyme, après tout. Et je passe au don numéro 2. Bonjour à tous. Cela fait plusieurs années que je vous suis et je dois bien vous remercier pour tout ce que vous m'avez apporté comme élément de réflexion et d'information. C'est le site blancheurope.com qui m'avait permis de vous connaître en 2017, je crois. J'adorais ce site qui proposait aussi des traductions de livres en anglais, de livres anglais vers donc le français. Je me souviens y avoir découvert l'enlèvement des concubines. Savez-vous ce qu'est devenu le site Blanche Europe ? Il a disparu. Je n'ai pas particulièrement de détails. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu un hacking ou en tout cas un problème technique, mais j'en sais pas davantage. Donc malheureusement, je peux pas vous en dire davantage sur ce point-là. Et je ne sais pas quand il revient, s'il reviendra, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Aujourd'hui, je m'informe quotidiennement comme suit, alors donc par ordre d'importance décroissante, démocratie participative, le Daily Stormer, d'Andrew Anglin, hein, bien sûr, renegadetribune.com, Égalité et Réconciliation, National Vanguard, Sputnik News et RT France. Donc voilà, plus d'autres sources, j'imagine. J'apprécie enfin particulièrement le travail de Vincent Renoir, nous dit encore notre ami. Alors, il y a quelques mois, je suis tombé sur un article d'Andrew Anglin qui disait en gros, toi, lecteur régulier qui viens me lire chaque jour, si tu ne fais pas de don, fais ton introspection et comprends qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi. Je me suis dit qu'il avait raison et qu'il fallait bien surmonter le caractère rebutant de Binance ou Monero. Il y a peut-être d'autres moyens d'ailleurs, hein, je veux dire, que Binance, pour aider des gens comme vous qui êtes de véritables combattants modernes de la liberté. Ceci étant dit, le but de mon courrier est de m'assurer que vous recevez bien mes dons. Alors, il y a un don en août de 0,32 Monero, en octobre de 0,30, toujours en octobre de 0,5. Alors courage et mes amitiés admiratives et respectueuses à toute l'équipe, bien à vous. Et c'est signé Lucifer. Vous voyez, comme quoi on est soutenu par des gens très célèbres. Mais alors on va vérifier effectivement que les dons sont passés. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc on reviendra vers toi, cher Lucifer. Et encore une fois, pour le site Blanche Europe, je n'ai pas d'écho particulier. Alors, on passe à la rubrique numéro 1, courrier des lecteurs. Et là, c'est des témoignages, en fait. Hein. Alors, deux courriers intéressants, détaillés d'ailleurs. Alors, je vous lis ça tout de suite. Donc, on va commencer avec le petit Guérandais, qui nous écrit depuis sa Bretagne, hein, et qui nous fait part des joies du multiculturalisme. Alors, évidemment, vous allez me dire... que le fond, la trame de l'histoire est redondante, malheureusement, mais elle est bien narrée et elle témoigne quand même un petit peu de l'ambiance actuelle. Hein, et je pense que pas mal de lecteurs, d'auditeurs vont se retrouver là-dedans. Alors je commence hein, cette lecture. Bonjour à toute l'équipe de Démocratie Participative. Je me présente, je suis un jeune Français d'une vingtaine d'années, vivant sur la presqu'île de Guérande, donc en Bretagne. Hein, c'est dans le... C'est le pays nantais, hein, sur la côte. Le fameux sel de Guérande, vous connaissez ça. Il s'agit d'un territoire suffisamment grand et peuplé pour me permettre de le citer en préservant mon anonymat. C'est important pour la suite. Dans ce territoire se trouve la commune du Croisic, que vous avez déjà mentionné dans une rubrique « Guerre raciale », si ma mémoire est exacte. Souvenez-vous, un arabe fraîchement sorti de prison pour meurtre, venu cambrioler une personne âgée. Il oublie ses chaussures, revient, se bat courageusement contre cet homme en déambulateur et in fine lui défèque sur le visage, avant bien sûr de crier « Allahu Akbar » au policier venu l'interpeller. La proximité avec la ville de Saint-Nazaire, elle-même reliée à Nantes, est un fléau. En été, le trop-plein des poubelles raciales de ces agglomérations déborde, longe la Loire et se déverse sur la presqu'île, dont font partie les stations balnéaires de la Baule et de Pornichet. Effectivement, cet été a été le théâtre de véritables émeutes raciales hein, dans ces villes qui sont d'habitude fréquentées par des gens assez aisés. C'est tout à fait juste. Ce que je vais vous raconter est précisément arrivé sur cette période. Je rentrais chez moi après une dure journée de travail. J'ai entendu dans mon dos deux motocross. N'y faisant pas plus attention que cela, je n'ai pas daigné me retourner. Grave erreur, j'ai reçu un premier coup de matraque au niveau de l'arrière du crâne. Je n'ai pas compris tout de suite ce qu'il se passait. J'ai commencé à me sentir tomber KO net. Mais non, boxeur amateur, j'ai réussi à me maintenir debout. C'est ce qui m'a sans doute sauvé d'un sort plus funeste. J'ai vu deux Arabes me dépasser, s'arrêter devant moi et descendre de leur petite cylindrée pour adolescents. Un est resté en retrait pendant que l'autre, celui qui m'avait donné un coup, s'est approché. Trop sonné pour mettre ma garde, je me suis pris un deuxième coup de matraque sur le côté du crâne. Beaucoup moins percutant, très peu précis, il ne fut pas aussi efficace que le premier, vraiment du travail d'arabe. Ce couard, ne s'attendant pas à me voir résister, a été très surpris de me trouver encore debout. Il a été encore plus surpris quand il s'est pris un crochet au menton qui lui a fendu la lèvre. Je n'avais en réalité plus aucune force et seul l'instinct m'a permis de riposter et d'avancer vers eux. Du bluff à l'état pur. Me voler étant moins facile que prévu, il est reparti promptement et son camarade n'a pas cherché à l'aider. Quel peuple de rats. Là commence mon aventure médicale. Je rentre donc chez moi sonné, acouphène, nausée, mal à la tête. Ma femme, n'ayant pas encore le permis de conduire, je lui dis d'appeler le SAMU. Jamais je n'aurais pu conduire dans mon état. Je pars vomir. Quand elle vient me voir, un médecin est au bout de la ligne. En fait, de médecin, j'avais affaire à un marabout tout droit sorti du Congo. Il me pose des questions auxquelles je réponds calmement et clairement, malgré ma détresse intérieure et son accent abominable. Que ne fut pas ma surprise quand il me dit simplement « Ça va aller, prenez un Doliprane, rappelez demain si ça va pas mieux !» J'ai d'abord cru à une mauvaise blague, mais non, ma femme a rappelé le SAMU quand j'ai commencé à devenir somnolent un quart d'heure plus tard. Même comédie, mais cette fois c'est un boomer qui a répondu. Il m'a simplement dit qu'il me trouvait éveillé, mais que ce serait bien de passer aux urgences pour vérifier. C'est ma belle-mère qui fait office d'ambulance. À partir de là, mes souvenirs sont un peu flous. Je me suis réveillé à 4 heures plus tard dans un lit d'hôpital. Morphine, anti-inflammatoire et scanner. Traumatisme crânien multiple, mais j'ai eu de la chance, pas de fracture et mes tympans intacts. Pas de séquelles non plus, si ce n'est des migraines pendant quelques semaines. J'ai déposé plainte, mais évidemment, ça n'a mené à rien. La prochaine fois, je me ferai passer pour juif et dirai avoir reçu des insultes antisémites. Peut-être que le GIGN et l'armée de l'air interviendront pour une remigration express. J'ai appris par la suite que mes agresseurs n'en étaient pas à leur coup d'essai. Il s'agit en fait de jeunes, probablement de Saint-Nazaire ou Nantes, qui ont commis plusieurs agressions similaires. Ces lâches, après avoir assommé leur victime par derrière, la tabassent allègrement au sol avant de la voler. Une personne a fini tétraplégique après un choc à la nuque. Tétraplégique, c'est-à-dire que vous êtes, vous bougez plus de votre vie, hein. Voilà. Mon courrier est déjà trop long, je voulais simplement réagir au témoignage de notre camarade libraire et vous dire que le SAMU négrifier est déjà une réalité. Moralité, les heures d'entraînement servent un jour, entraînement en salle de boxe hein, bien entendu, surveiller ses arrières même dans les lieux calmes, ne compter que sur ses proches en cas de problème. Merci pour votre travail qui apporte une touche de joie et d'espoir dans ce monde de ténèbres. Si Kyle, et c'est signé le petit Guérandais. Alors, évidemment, hein, que du classique, ça sonne désespérément commun dans la France de 2021, mais toutefois, ça donne du relief, c'est toujours mieux narré, mieux raconté que les recensions de faits divers de la presse mainstream, hein, qui édulcore toujours les détails, bien évidemment, se contentant au mieux des rapports de police, hein, sauf quand la victime, bien sûr, est juive. Alors là, par contre, c'est un déluge de détails, de confidences, etc., etc. Alors, messieurs, je vous propose de faire ensemble un petit tour de table sur la mésaventure qui est arrivée à notre cher auditeur, donc notre petit Guérandais. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Moi, j'aurais sûrement des petits trucs à dire, parce que le secteur de Nantes m'est familier, somme toute. Je prends vos réactions hein, sur cette situation. Bah écoute, déjà, moi, je suis content de savoir que notre auditeur va bien, qu'il n'a pas de séquelles, parce qu'effectivement, quelqu'un qui finit tétraplégique après avoir pris un coup de matraque sur la nuque par des sales bougnoules, voulant le détrousser, ça a le don de me donner des envies de... Hein, de retribution, comme on dit en anglais, de vengeance. Donc, écoute, auditeur, voilà, je suis content pour toi. Après, oui, il a raison, il y a un proverbe en anglais qui dit « Around blacks, never relax », c'est-à-dire, quand vous êtes entouré de noirs, ne soyez jamais détendu, soyez toujours alerte. Bah, maintenant, j'ai envie de dire, quand vous êtes blanc en France ou en Europe, bah, ne soyez jamais relaxé, parce que la merde peut arriver à tout moment. Voilà où on en est, en fait. Oui, c'est ça, c'est en fait, il entend juste deux motocross, genre, et tu sais, il dit, ouais, bon, il y a deux motos, et là, pah ! Et il est là, il flageole, et il dit, attends, qu'est-ce qui vient d'arriver, là ? Et là, t'as un arabe qui arrive vers toi, avec sa matraque, et il t'emmène deuxième dans la tête, tu vois, et voilà, c'est... Après avoir, bien évidemment, été au travail, tu reviens de ton boulot, après avoir bien sué, pour payer tout le système social à cette même race de merde. Donc là aussi, il y a de quoi méditer. Qui d'autre là-dessus ? Allez, je vais attaquer avec Zyklombix, enfin après Hauptmann, qui a sûrement une petite touche de philosophie pratique à nous délivrer. Qu'est-ce que tu penses de cette situation ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort ? Il y a aussi la dimension SAMU, là. Enfin SAMU, oui, les lignes téléphoniques du SAMU. Ouais. Oh, je dirais simplement... pour ne pas rebondir sur le SAMU, que c'est beau comme du Kassovitz. C'est un fait divers, sans cause ni conséquence. Je me permets de faire plutôt une petite incise historique en rappelant que bien sûr que l'insécurité existait autrefois, comme on se plaît à nous le répéter sans cesse, et qu'elle était même encore plus dramatique qu'aujourd'hui, peut-être, au XVIIIe siècle. Mais à cette époque, et surtout à partir de la Révolution française, les Français, au moins, avaient le droit de se défendre jusqu'en 1939. Aujourd'hui, nous n'avons plus le droit ni de nous défendre, ni même d'être en paix. Ce qui pose tout de même un petit changement de paradigme. On a le droit de se plaindre aussi de ceux qui nous attaquent. Hein. C'est aussi un élément important. Alors moi, c'est-à-dire que c'est important ce que tu dis, parce que Renoir l'avait déjà dit il y a longtemps, et moi je le savais déjà, mais on n'a pas le droit d'utiliser le droit pour se défendre, parce qu'en fait, tu ne peux pas utiliser le droit international pour te prémunir du droit international ou des droits de l'homme, en fait. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire qu'on te dit qu'il y a quelque chose qui est suprême d'un point de vue moral, d'un point de vue éthique, qui s'appelle les droits de l'homme, sauf que si toi, tu veux te protéger et que tu es blanc et que tu invoques les droits de l'homme, on dit, ah oui, non, mais en fait, les droits de l'homme, c'est bon pour tout le monde, sauf pour toi. Ah tiens, oui, d'accord. Donc en fait, c'est pas les droits de l'homme, c'est les droits des hommes non blancs. Parce que moi, j'ai pas de droit, en fait. Et c'est pareil ce que tu dis, c'est-à-dire que tu es chez toi, tu es sur la terre de tes ancêtres, tu es le descendant des gens qui ont construit cette civilisation, tu te fais fracasser la bouche à coups de matraque par des sales boucaques sur un scooter, t'as pas le droit de le dire. Ah, parce que si tu le dis, bah, t'es un fils de pute. Ouais, Tu vois? là, pour Ça, le c'est. coup, la plainte serait suivie des faits. Mais là, dans cette histoire, il y a tout qui illustre ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, en fait, la préférence étrangère, puisqu'il faut bien comprendre que le système légal français est construit sur ce principe cardinal, la préférence étrangère, hein. Donc, en fait, si tu es un autochtone, tu n'es pas un citoyen de seconde zone, tu n'es pas un citoyen tout court. Si tu es un métèque, que tu n'as pas de papier, je voyais un exemple récent, là, vous savez, ça a fait un petit peu de bruit. Ça se passe dans le sud de la France, c'est des gens des Restos du Cœur, donc des bénévoles qui ont décidé de démissionner collectivement dans une commune parce qu'en fait ils refusaient de servir des migrants, non pas parce que les migrants étaient des basanés, mais simplement parce que les migrants en question étaient des sous-races du tiers-monde extrêmement agressives qui, au bout d'un moment, menaçaient les bénévoles avec des chelasses, etc. Simplement parce qu'ils voulaient tout gratos. Et au bout d'un moment, les mecs, donc vous voyez, hein, c'était vraiment des couillons de gauche typiques qui en fait n'ont rien contre le fait d'aider des étrangers, mais qui eux-mêmes en arrivent à un point où ils se sentent tellement en danger qu'ils abandonnent. Et alors, ce qu'on expliquait, c'est que, enfin, suite aux discussions qui ont succédé à cette démission collective, on apprenait qu'une grand-mère, en fait, qui veut demander l'aide des Restos du Cœur, une mamie française, hein, doit arriver avec toutes ses paperasses à jour, etc., retraite, et tout. Et alors que le sans-papier, il arrive, là, le clandestin, hein, plus exactement, le migrant clandestin, l'envahisseur, arrive les mains dans les poches, et lui, on lui demande rien, en fait. On lui donne tout ce qu'il veut, et basta. Et ça illustre parfaitement ce système de préférence étrangère en France. Alors, la préférence étrangère, c'est ce qu'avait. Évidemment, c'est pas moi qui invente le terme, comme vous le savez très bien. Hein. Je veux dire, Jean-Marie Le Pen en parlait déjà il y a 40 ans, donc c'est pas du tout nouveau. Mais les gens ne mesurent pas à quel point c'est vraiment une politique d'État en France. Et ça se traduit très concrètement dans le traitement des plaintes. C'est-à-dire que quand vous vous êtes à demi assassiné par des sales crouilles, dans votre rue, alors que vous revenez du travail, que vous êtes un honnête citoyen, hein, vous contribuez utilement à la société, hein, c'est un fait, eh bien, vous n'avez aucun droit. Donc, vous portez plainte, les gendarmes ou les flics, ils rigolent à votre nez. Ils disent, évidemment, ils prennent votre plainte, hein, ils enregistrent la plainte, mais c'est classement vertical, bien évidemment. Par contre, si vous êtes un youpin, si vous êtes un juif, et qu'il y a un arabe qui refuse de vous livrer quelque part en Alsace, en vous disant, moi je suis un Algérien, je livre pas les Juifs, là, c'est urgence générale, c'est Place Beauvau qui se mobilise, c'est Darmanin qui communique en direct, et l'Algérien en question est interpellé, mis dans le premier avion, et en moins de 15 jours, il est de retour à Alger ou à Oran. Donc si vous voulez, ça c'est la préférence étrangère en action. Donc vous avez des Arabes, là, dans le cas d'espèce, puisque c'est ce que nous dit notre auditeur, qui sont des récidivistes, d'accord? Ils sont connus des services de police. Ils sont identifiés. Ce sont des gens qui ont, je ne sais pas si vous imaginez, qui ont placé une victime dans un fauteuil roulant à vie, et pas uniquement au niveau des jambes. C'est tétraplégique, c'est que tout ce qui est en dessous du menton ne bouge plus. Vous n'avez plus de vie. Vous n'avez plus de vie. D'accord? Et ces mecs-là, ces bougnoules-là, en fait, ils continuent de divaguer dans la nature, et vous avez cette magistrature qui ose encore, si vous voulez, parader en robe noire dans les tribunaux. Moi, mon interrogation, c'est comment se fait-il qu'il n'y ait pas déjà de révolution dans ce pays? Ça, c'est ma première réflexion. Et je ne sais même pas comment il peut encore y avoir des tribunaux qui fonctionnent dans un tel climat. Et donc, il continue à sévir, et quand il y a une énième victime qui dépose plainte, eh ben, l'attitude des flics, c'est de n'en avoir strictement rien à foutre. Donc, tout le monde s'en fout, en fait. Donc, le gouvernement s'en fout, les flics s'en foutent, les magistrats s'en foutent. Et quand vous appelez le SAMU pour vous sauver, vous avez une espèce de sale nègre qui vous répond « Vas-y, prends un cachet, connard, j'en ai rien à foutre. » Bon, alors vous vous dites « D'accord, moi je veux dire, une société comme ça, d'accord. Ok, admettons. Mais pas avec le niveau d'imposition qui est celui de la France. D'accord ? C'est-à-dire que c'est l'un ou l'autre. Si il y a des niveaux d'imposition au niveau actuel en France, vous êtes en droit d'exiger une police ultra efficace, un système pénitentiaire ultra efficace, une justice ultra efficace et un système médical ultra efficace. D'accord ? Donc, face aux impôts que vous versez à ce système, vous avez le droit, en face de ça, d'avoir des services publics ultra efficaces. S'il n'y a pas de services publics qui fonctionnent dans ce pays, d'accord, mais à ce moment-là, le taux d'imposition, c'est zéro. Il n'y a pas de taux d'imposition, du coup, il n'y a pas de services publics, d'accord, voilà. Mais à ce moment-là, c'est les gens qui s'occupent de se prendre en charge eux-mêmes, y compris pour leur défense. Ouais, voilà. C'est un peu ce qui se passe dans les pays d'Afrique noire, en fait. Il y a pas beaucoup de taxes, ce qui veut dire qu'il y a pas beaucoup d'infrastructures, ou les infrastructures sont pas top. En revanche, les gens font beaucoup de blagues et ils font du pognon à côté. Et ils ont quand même plus de latitude, en fait. C'est beaucoup moins vertical, quoi. Oui, c'est ce que tu trouveras de toute façon dans toutes les sociétés dysfonctionnelles. Mais moi, j'y suis favorable. C'est-à-dire, au bout d'un moment, si t'as plus de flics, alors les flics, ils vont dire « Oui, mais on est débordés, on a rien. » D'accord, bon, très bien, mais le contribuable et le citoyen, on a strictement rien à foutre de savoir qu'ils sont débordés. Le fait est que si tu te fais attaquer par des Arabes, tu vas pas rester comme ça éternellement à te satisfaire d'excuses à la con comme ça. Donc, moi je le dis, c'est au bout d'un moment, ce système va se casser la gueule. Et les gens vont prendre en main leur propre défense. C'est clair, c'est clair. Hein, je veux dire, là je le dis, tout le monde doit bien avoir ça en tête. C'est-à-dire que la phase dans laquelle on est actuellement est une phase transitoire, dans laquelle les gens croient qu'il est possible de revenir à une police plus efficace. Vous savez, c'est là que les politiciens interviennent. Oui, on a compris, on va investir, etc. Bon, bref. Et au bout d'un moment, les gens vont comprendre que il n'y aura pas de retour à la normale parce que vous ne pouvez pas régler avec des budgets un problème fondamentalement racial. D'accord ? C'est un problème démographique. Et là, j'en viens à la situation de Nantes, comme nous l'explique d'ailleurs très très bien notre auditeur dans son courrier. En fait, effectivement, les poubelles raciales nantaises débordent. Nantes, c'est une ville qui a été transformée en 20 ans, en l'espace de 20 ans, d'une ville de province très calme, où il faisait bon vivre, en véritable coupe-gorge, en fait. Hein. Ça s'est passé en 20 ans. Et il a suffi de quoi ? Il a suffi d'une seule personne qui s'appelle Johanna Roland, c'est-à-dire une femme, en fait. Donc on a mis une femme à un poste politique et la ville de Nantes a été irrémédiablement détruite par l'immigration. Voilà. Et elle est reconduite triomphalement. Hein. Les dernières élections municipales ont montré que sa politique, j'allais dire, néronienne, était plébiscitée par son public de bobos, de fiottes et d'assistantes sociales qui peuplent sa ville. Donc le problème, c'est que ces sauvages ont parfaitement compris que ils ne seraient jamais recadrés. D'accord ? Ils ont compris que c'était une dinde qui était aux commandes, donc ils savent qu'il ne se passera rien. Donc les types, ils étendent leur champ de nuisance. Alors évidemment, il y a Nantes, mais l'été, ces sous-races ont bien compris que dans les villes balnéaires, effectivement comme la Baule, pour citer que ça, ça descend, ça va plus bas, hein, ça va vers la Vendée, etc. Hein, c'est-à-dire ça, même dans ces zones-là, voilà, les villes de l'Atlantique où il fait bon vivre et où l'été, il y a des touristes qui viennent passer du temps, ça devient des zones de chasse, ça devient des zones de prédation. Saint-Nazaire, j'en parle pas, ville rouge, ville de communistes, complètement sinistrée par l'immigration. Et donc ils ont carte blanche et ça devient de plus en plus violent. Et on assiste à des scènes d'agression de plus en plus spectaculaires. Dans des zones où il ne se passait jamais rien, il faut comprendre ça, hein, il ne se passait jamais rien. À Nantes maintenant, alors évidemment des gens qui viennent de Marseille sont complètement anesthésiés face à ça, ou qui viennent d'Île-de-France, ils sont complètement anesthésiés, mais à Nantes maintenant vous avez des règlements de compte à la Kalachnikov, en plein jour. Vous avez des émeutes raciales, où, en plein jour, hein, attention, hein, les librairies sont brûlées, la dernière émeute raciale qu'il y avait eu sous Johanna Roland, c'était extrêmement violent, et c'était en raison de la mort d'un dealer de drogue parisien qui était mort accidentellement à Nantes. Non, mais vous imaginez, c'est-à-dire que c'était même pas un mec du cru, d'une famille établie dans un quartier à remplacer. Hein. C'était simplement un dealer qui venait comme ça occasionnellement vendre de la dope dans ces zones-là. Et simplement le fait qu'un de ces dealers halogènes soit mort lors d'un contrôle d'identité, vous avez tous les quartiers afro-musulmans de la ville de Nantes qui ont basculé dans l'insurrection raciale. Hein. Voilà. Alors ça a été ultra dissimulé par les pouvoirs publics qui ont parlé de jeunes, ils auraient comme toujours. Voilà et voilà voilà. Donc en fait on voit la tache d'huile en fait, c'est la tache d'huile qui se répand. Rien, ça n'a pas vocation à s'arrêter puisque les causes profondes du problème ne sont pas jugulées. Donc voilà, c'est au bout d'un moment, les scènes-là que vient de nous raconter notre auditeur, auront lieu dans des villages de 500 habitants dans le centre-Bretagne. C'est-à-dire que comme personne ne veut arrêter le processus parce qu'on reconduit constamment les mêmes politiciens au terme d'élections inutiles, vous avez des branlomanes payés pour ne rien foutre dans les mairies, dans les départements, dans les régions qui accueillent cette sous-race. Et quand vous vous plaignez, on vous traite de conspirationniste. C'est là qu'intervient le département propagande du régime avec les juifs Reichstadt, Mendes France, etc. Tous ces mecs-là qui vivent dans des quartiers hors de prix, inaccessibles pour un Français de base. Ces mecs-là vous expliquent que non, il ne se passe rien du tout, il n'y a pas de grand remplacement, non, tout va bien. Il n'y a pas plus d'étrangers aujourd'hui en 2021 qu'en 1930. Hein. J'ai encore entendu ça il y a 15 jours. Il y avait encore un démographe hein, autorisé. Hein. Il n'y a pas plus d'étrangers en France en 2021 qu'en 1930. C'est pas Hervé Lebras ? Non, il y a Lebras qui fait ça depuis toujours, mais là, c'était un mec, non, il était beaucoup plus jeune, c'était encore un type d'un... Et c'était cité, sur des grands médias, quoi. Je veux dire, faut quand même pas trembler pour oser sortir des trucs comme ça. Bref. Mais je veux dire, on parle de... Vous voyez, il y en a un qui est tétraplégique. Bon, voilà, le mec a fini tétraplégique. C'est absolument dramatique. Imaginez, parce que ça peut arriver à des gens de tous âges, mais imaginez votre gamine, je sais pas, elle a 15 ans, a fini tétraplégique à cause d'un bico comme ça. Moi, je peux vous dire que ça se passe pas au tribunal. Hein. Ça, je vous ai dit. Ah oui, non, mais ça, c'est un sentiment d'insécurité. Ah oui, il y a un sentiment d'insécurité. Ouais, ça, c'est le terme consacré. Hein, c'est, voilà. T'as des gens qui sont assassinés, violés, d'autres finissent tétraplégiques. Sentiment d'insécurité. Bah ouais, c'est un sentiment, quoi. Non, mais voilà, donc. Le pire, c'est que si t'as le malheur de te défendre, comme le petit mec, là, Saint-Nazaire, là, qui s'est fait frapper sur la nuque par derrière. Imagine, il sort un canif pour se défendre, ouais. Et que accidentellement l'arabe qui lui a frappé à la nuque meurt. Ah, je vous promets que le mec, il prend 25 ans. Ok, il prend 25 ans ferme. Hein. C'est parti, la machine embraye. Le type, ils vont le traîner devant un procès. Tout le monde va se mettre à hurler raciste. C'est bon, sa vie est finie. Bah, de toute façon, t'es blanc dans un pays blanc, cherche pas, t'as tort. Quoi que tu fasses, cherche pas, t'as tort. Bah, regardez ce qui compose les tribunaux en France, 80% de femmes blanches. Il faut pas chercher plus loin les problèmes, hein. Je veux dire, les femmes dans la magistrature, non. Les femmes dans la police, non. Les femmes en politique, non. Première mesure d'urgence à prendre, interdire le droit de vote des femmes et la présence des femmes dans tout ce qui est régalien. Absolue interdiction. Si ce n'est pour faire du travail de secrétariat, quoi. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà. Vous avez vu ce que c'est que de laisser les femmes comme ça? Les femmes n'ont aucune idée de ce que c'est que la justice, d'accord? C'est des bécasses qui se mêlent d'affaires d'hommes. Et ça vous donne ce type de justice-là. C'est-à-dire que les bougnoules ont carte blanche. Vous laissez les femmes en politique, ça vous donne Johanna Roland. Voilà. Elle vous transforme une ville de 500 000 habitants en zone tiers-mondisée. Donc tout le monde essaye, enfin tous les gens un peu sensés essayent de fuir. Vous voyez, c'est au bout d'un moment, il faut quand même tirer les bonnes conclusions de ce qui se passe, quoi. Et je dis, hein, j'insiste sur ce point-là parce que c'est un angle mort de la réflexion sur la question de l'immigration, la sécurité, le terrorisme ou l'islamisation. Tout ça n'est que le fruit de la féminisation de tous les postes régaliens, d'accord. Toute la pensée est innervée comment dirais-je, d'œstrogène. Si vous mettez des femmes comment dirais-je, à des fonctions régaliennes, vous faites monter mécaniquement le niveau d'œstrogène. Donc, vous n'aurez pas la réaction nécessaire. C'est facile à comprendre ce que je dis. Voilà. Donc, première mesure à faire, première mesure à prendre, virer les femmes de la magistrature. Les gens qui vous disent c'est pas possible, c'est parfaitement possible, il y a 8 000 magistrats en France. D'accord? Donc, on en vire 6 000, on les remplace par 6 000 hommes. Je vais aller plus loin, je pense qu'on peut tout informatiser en 2021. On peut tout informatiser, utiliser l'intelligence artificielle, on aura des verdicts beaucoup plus proches de la réalité que tout ce fatras là de paperasse générée par des bécasses incultes. Ah oui, si... de toute façon, Zyklombix, vas-y, je t'en prie. Si vous me permettez, je pense que même à être cohérent jusqu'au bout, il faudrait éviter que des femmes soient même dans les postes subalternes. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que en étant confinées dans les postes subalternes, elles renforcent l'impression qu'elles sont discriminées. C'est-à-dire elles participent, mais elles ne participent pas à même hauteur que les hommes, ce qui crée une injustice relativement flagrante. D'autre part, en conservant des femmes à des postes subalternes dans ces administrations, eh bien qu'arrive-t-on? Eh bien, en fait, on entretient des harems de fait au bénéfice des quelques mâles dominants, ce qui est pour le coup injuste par rapport aux autres hommes. Je pense même que franchement, il faudrait carrément supprimer toute présence féminine dans les postes régaliens, presque jusqu'à la femme de ménage, si j'ose dire, parce que ce n'est pas une question de hiérarchie, c'est une question de substance, tout simplement. Oui, non. Je suis partant. Oui, je suis aussi totalement d'accord. Et on aura de l'efficacité, parce que quand vous faites venir les femmes dans ce genre de domaine-là, en fait, c'est l'inefficacité consacrée. C'est-à-dire que tout devient inefficace, c'est le bordel, rien n'avance, c'est absolument effrayant. Et voilà. Encore une fois, hein, l'angle mort de la réflexion en 2021 sur les questions raciales, d'immigration, de sécurité, etc. Après, les gens sont là, mais là, c'est bizarre, hein, la justice est laxiste. Oui, les femmes sont laxistes, oui. Oui, les femmes sont laxistes, effectivement. Par contre, elles sont très dures avec les hommes blancs, si vous avez remarqué. Ah bah ça, une femme, si tu lui confies quelqu'un qui n'a pas les moyens de se défendre, là tu vas comprendre ce que c'est que la cruauté et le sadisme. Exactement. À l'inverse, si elle est en face de quelqu'un qui peut instaurer un rapport de force, attends-toi à une collaboration massive. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'homme blanc, il a les mains attachées dans le dos. Par ce système de merde, et il peut tout simplement pas se défendre. Tout à fait. Alors messieurs, courrier numéro 2, on remercie hein, le petit Garandet pour sa mésaventure, on lui souhaite un prompt rétablissement, et que ça se passe mieux pour la suite quand même. Hein. Alors courrier numéro 2, alors scène bucolique française. Alors, à tous les auditeurs, à l'équipe, salutations participatives, j'écris ces lignes dans la foulée de l'action afin de préserver toute la beauté de l'instant tel qu'il vient de me frapper aussi. Resterai-je concis? Je viens juste de rentrer du travail, la nuit est tombée sur ma petite ville de province, et alors que je m'installe dans mon canapé, un bruit étrange brise la tranquillité du moment. Connaissant la propension des jeunes des environs à se réunir, parfois même à se battre sous mes fenêtres, j'accours, craignant pour ma voiture, et je regarde dans la rue. La réponse m'apparaît alors. Deux individus sont en train de rouler au sol, empoignés, et se frappent de plus belle. Après une brève réflexion, je comprends au cri qu'il s'agit du conjoint de ma voisine, maghrébin de son état, aux prises avec un individu qui se révèle être son frère. J'écoute un instant. « Je vais le tuer, ton fils !» Voilà qui est dit. D'autres invectives fusent. J'observe discrètement à ma fenêtre. Ma voiture. Battez-vous où vous voulez, mais pas devant ma voiture. Je décide d'appeler la maréchaussée et après un bref échange, avec un agent désinvolte, je guette l'arrivée des forces de l'ordre qui disposent d'un commissariat à quelques centaines de mètres de là. De longues minutes s'écoulent. Le voisin finit cul-nu sur le trottoir, bloqué par son frère qui le tatane sévèrement. La voisine descend alors pour défendre son bico. L'empoignade se dissipe, le frère violent s'éloigne en maudissant mes voisins qui le rejoignent auprès de sa voiture et termine de s'expliquer, cette fois sans s'envoyer des pains. Même à 800 km, je te retrouve, dans le sud, je te retrouve. Chose surprenante, c'est la femme, Blanche, qui s'interpose le plus, intimant même à son arabe de maison le silence quand celui-ci cherche à s'expliquer, calmement cette fois avec son frère. L'élocution hasardeuse des protagonistes, aussi bien la Blanche qu'Assos, que les deux bicots, trahit la faiblesse de leur cuit. Les mots fusent encore, notamment ce trait d'esprit si justement prononcé par le frère violent. « T'es un fils de pute, mais ma mère, c'est pas une pute !» La poésie musulmane est décidément d'une finesse exquise. Le ton descend, l'explication se termine autour de la voiture du violent, qui semble en avoir eu pour son compte. Survient alors la maréchaussée, laquelle ne fait que ralentir et regarder de loin l'adresse que j'avais indiquée. Cependant, même que les protagonistes de mon tableau achèvent de se hurler encore dessus, à quelques mètres seulement de la route. La caravane passe, les chiens aboient. Sûrement trop heureux de rentrer au poulailler après une dure soirée à patrouiller les environs dans leur belle voiture de fonction, messieurs les agents ne se donnent même pas la peine de comprendre et tracent leur chemin. Je suis déçu de n'avoir vu couler la moindre goutte de sang algérien. Et c'est signé Flo. Bon, bah c'est raccord avec ce qu'on a dit un peu précédemment, avec une focale, là, cette fois, hein, sur la maréchaussée. Donc là, on la voit en action. Un petit commentaire quand même là sur ces scènes, c'est-à-dire que c'est ça, c'est ce qu'on disait, hein, c'est-à-dire que ça fait tache d'huile. Hein, donc vous êtes chez vous devant, là, vous revenez du boulot, voilà, vous détendez, vous fracassez dans le canapé, et là en fait vous avez l'Algérie qui se met à régler ses comptes dans votre rue. Les types pètent votre pare-brise parce qu'ils sont en train de s'embrouiller, c'est la même chose. Vous appelez les flics, bon bah les flics vous font sentir que vous les emmerdez cordialement, et s'ils mettent le temps avant de débouler, hein, une bonne heure, c'est bien évidemment en misant sur le fait qu'il n'y aura plus personne dans la rue et signaler qu'il ne s'est rien passé. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus qu'on n'aurait pas dit dans le message précédent? C'est un peu redondant, mais bon, c'est comme ça, quoi. Bah, à ce niveau-là d'inutilité, honnêtement, la police, quel intérêt aujourd'hui la police pour un blanc? À part te contrôler ton taux d'alcoolémie pour te mettre des amendes, contrôler ta vitesse pour te mettre des amendes, te contrôler si tu oses aller en manif. Contrôler tes masques peut-être aussi. Voilà, ou ton passeport sanitaire éventuellement. Bref, à part te contrôler et te mettre des amendes, ces types servent à quoi? Pour un blanc, à rien. C'est-à-dire que c'est ce que tu disais tout à l'heure, on en est au point où finalement on vivrait mieux sans État. Ah oui! C'est d'ailleurs, c'est kafkaïen, mais il vaudrait mieux plus avoir d'État, s'autogérer, et je pense qu'à tous les niveaux, pas seulement la sécurité, ça irait mieux. Ça irait mieux, moi, Par exemple, l'exemple de la Belgique, régulièrement, à cause de leur système, ils se trouvent sans gouvernement, mais la dernière fois qu'ils ont été sans gouvernement, mais ils ont augmenté leur croissance d'un point et demi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, objectivement, l'État, c'est une nuisance. Oui, on n'a aucun intérêt à avoir un État. Alors ça me fait de la peine, parce que moi, je ne suis pas un anarchiste à la base, mais je vais peut-être devenir anarchiste de droite. Mais objectivement, là, aujourd'hui, oui, on s'en sortira mieux sans eux. Hein. C'est vaut mieux tout arrêter. Ah oui, certainement. Moi, je rejoins ton analyse. Hein. Il est évident aujourd'hui, par exemple, que des milices de village feraient un meilleur travail de protection des biens et des personnes que ces fonctionnaires inutiles avec leurs camions à tourner à droite à gauche. Là, totalement. Hein. Totalement. Alors, ils auront des excuses. Ils vont dire, oui, mais vous comprenez, l'immigration, c'est pas nous qui décidons. Oui, d'accord, très bien. Mais comme je disais tout à l'heure, peu importe les excuses, peu importe le contexte ou quoi, c'est qu'en dernière analyse, ces gens-là ne servent à rien. Donc, En fait, vous confondez deux choses. Et je suis désolé de vous dire ça comme ça, mais la police n'a pas pour vocation de protéger les gens de façon proactive. La police, elle est là pour arrêter. Après que le crime ou le délit ait été commis, les responsables, les criminels, les délictueux. Là, ce dont vous parlez, vous, c'est vraiment d'une Parce que, un truc très simple, hein, mais quand vous êtes agressé physiquement en danger ou qu'une femme se fait violer, combien de temps met la police à intervenir? Alors, si c'est la nuit, qu'il n'y a pas de circulation là-bas, que si elle n'est pas loin, elle peut débarquer très vite. Mais en pleine journée, avec le trafic et compagnie, vous avez le temps de vous faire poignarder, de vous faire violer 10 fois le temps que la police intervienne. C'est normal, c'est parce qu'en fait, c'est pas leur rôle dans notre, dans la façon, enfin, en France notamment. Il n'y a pas assez d'effectifs, ça on l'a déjà dit. Et puis, ce n'est pas dans les mentalités. C'est-à-dire que, par exemple, si on avait si on était aux États-Unis, ils ont une autre mentalité, ce qui fait que là-bas, la police, elle a un rôle d'intervention, mais elle a aussi le rôle, bien entendu, par la suite, de recherche, de traque des criminels. Mais la population, ça vous en parlez, elle a la responsabilité, selon les États, de se protéger. Parce que c'est ça, être citoyen, en fait. Être citoyen, c'est différent d'être un contribuable. En France, tout le monde est citoyen du monde, tout le monde est citoyen, tout le monde est français. Oui, sauf qu'en fait, personne n'est citoyen. Parce qu'à partir du moment où tu n'es pas responsable des actes que tu commets, à partir du moment où tu ne paies pas le prix de ce que tu fais, et que tu n'es pas en charge de ta sécurité personnelle, tu n'es pas un citoyen. Enfin bref. Long débat. Non, je vois ce que tu veux dire. Dans une certaine mesure, mais normalement, la police est censée montrer une certaine efficacité qui dissuade, en fait, le passage à l'acte par les crapules, normalement. Hein. Bon, mais le fait est qu'avec une fracture raciale, c'est un vœu pieux, puisque, en fait, les halogènes répondent à leur nature profonde, et, comment dirais-je, même s'ils peuvent être intimidés par des gens, enfin une force armée, hein, quelle qu'elle soit, et qui fait régulièrement usage de sa force, d'une manière générale, de toute façon, ils essaieront de passer à l'action. Donc le rôle de la police est minime. Mais là, en l'occurrence, le délit est commis, il est signalé, et ils sont censés intervenir pour interpeller les intéressés. Enfin, voilà. Et là, on voit qu'il y a encore les intéressés sur place, ils sont encore sur le site, ils sont encore en train de s'engueuler comme des tarés. Donc ils en sont venus aux mains. Est-ce qu'ils ont agressé des voisins ou pas? Bon, le rôle de la police, normalement, en tout cas c'est pour ça qu'elle est payée, c'est d'arriver sur place, de mettre la main sur les intéressés, de poser des questions, de savoir quoi qu'est-ce, et éventuellement d'amener les mecs au poste pour en savoir davantage, quoi. Mais de toute façon, de se rendre sur place s'ils voient qu'il y a encore de l'agitation. Or là, les mecs, ils voient l'agitation et ils passent leur chemin. C'est-à-dire que clairement, ils s'en foutent, quoi. Ils s'en lavent les mains. Alors que les deux bougnoules pourraient remettre une pièce dans le jukebox, un sort un schlass et il plante l'autre, quoi. Et là, les flics interviendraient et ils seraient interrogés le lendemain dans la presse en disant « Oui, on a fait notre boulot, on est intervenu, ils ont été placés en état d'arrestation, il y en a un qui est en garde à vue, machin. » Enfin, c'est du cinéma, hein, voilà. Donc, et par rapport à ce que tu dis sur les États-Unis, je te rejoins, hein, tu dis aussi, voilà, aux États-Unis, la philosophie est différente, les gens sont en charge de leur propre sécurité, donc la puissance publique part du principe que les citoyens ont un rôle actif quant à leur propre défense, bah, à plus forte raison en France, si ce n'est pas le cas, si on empêche les gens de s'armer ou de se défendre, à plus forte raison, alors pour la puissance publique, d'être très active pour ne pas justifier à rebours des demandes en faveur de l'armement de la population, ce qui est notre position. Or là, en France, si tu veux, t'as le pire des deux mondes, en fait. Donc les gens sont désarmés et les flics veulent rien branler. Parce qu'on leur dit de rien branler. Ah, Je veux bien entendre... C'est qu'on leur dit. Ouais. Voilà, d'accord, mais enfin, le fait est, concrètement, au quotidien, ça change rien pour toi. C'est-à-dire que t'es désarmé, et les autres, si tu veux, ils mettent un pied un peu dans l'eau froide, voir ce que ça donne, et puis en fonction de ce qui se passe, eh ben, ils voient s'ils interviennent ou pas. Mais en plus, comme disait Porovitch, que tu mets ça en regard de la façon dont se comportent par ailleurs les flics en général, et tu vois que, bah, franchement, enfin, je veux dire, quand tu les vois sur le bord des routes et tout, là ils sont agressifs, quoi. Je veux dire, donc quand ils ont envie d'être agressifs, ils savent être agressifs. D'accord. Mais les flics sont domestiqués comme les autres membres de la société française. Hein. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, au bout d'un moment, il faut tirer les conclusions. C'est ça que je dis. Et moi, pour moi, c'est ce que je disais avec Porovitch, c'est que clairement, les flics servent à rien. Ça sert à rien. Si ce n'est à harceler les blancs. Voilà. C'est comme le papy, là. On avait parlé dans une émission précédente, là. C'était il y a 15 jours. Il a descendu un sale Algérien qui passait son temps à le harceler depuis des années. Il a été 2 fois à la gendarmerie signaler les agissements de cet individu. Il a été 6 fois à la mairie dire, c'est un ancien militaire, dire j'en ai assez du harcèlement que me fait subir ce type. Okay, mais là, c'est pas les flics qui servent à rien, c'est la justice. Et c'est les responsables politiques, parce que la police n'a qu'un pouvoir de... Elle est là pour appréhender les individus, mais ensuite, derrière, c'est la justice qui doit faire son travail. Je sais pas pour te faire chier que je dis ça, c'est juste que les flics, ils ont vraiment le cul entre deux chaises. Enfin, non, ils sont dans la même merde que nous, parce que quand t'as un flic qui fait un petit peu trop son travail et qui colle un peu trop une tarte, un fils de pute qui fait de la merde, il se retrouve dans les tribunaux comme le petit vieux dont tu viens de parler. Donc le problème est vraiment hyper profond. Enfin bref. Oui, non, mais il est profond, mais c'est de la complicité active. Moi, j'ai jamais vu les flics se mettre en grève en disant maintenant on veut régler le compte de la racaille. Ils se mettent en grève, on veut plus de moyens. Pour faire quoi? Il y a aucune raison de donner plus de moyens aux flics, vu ce qu'ils font aujourd'hui avec les moyens qu'ils ont. Désolé, je suis désolé. Moi je veux qu'on économise sur les impôts, et que l'argent qui est économisé, eh ben, permette à la population de s'armer. Voilà, moi c'est ce que je prône. Oh mais ça serait très bien. Ça serait très bien. Moi je préférerais ça aussi, hein. Voilà, ça serait de l'argent utilement dépensé. Beaucoup plus qu'aujourd'hui, là, à payer des Magali à cuche de 70 kilos dans des treillis bleu marine, à te regarder avec une gueule patibulaire quand tu te pointes dans leur comico pour déposer plainte. Tu vois ? Parce que c'est ça, hein, la police française, hein, quoi qu'on en dise, parce qu'elle est féminisée, cette force, maintenant. Donc, les profils, on les voit, hein. Faut pas que les gens s'imaginent que d'abord il y aura pas de zèle déjà d'une part. Quand même ils ont des loyers à payer comme les gendarmes, comme les aides-soignants, comme les pompiers, comme tout le monde. Et tu as remarqué toi aussi que la majorité de la population française, que ce soit vis-à-vis des gilets jaunes, au tout départ quand c'était pas encore perclus de gauchistes, ou que ce soit vis-à-vis du pass sanitaire et des restrictions de liberté. 90% de la population française s'en branle, quoi, parce que elle regarde le loyer qu'elle a payé à la fin du mois, les fringues des enfants, satisfaire sa Magali 3 sur 10. Non, mais ce pays, c'est l'enfer sur Terre. Quoi. Et surtout, payer son emprunt sur 30 ans pour payer sa maison en placo, le French Dream. C'est ça. Maison devant laquelle. Ton voisin maghrébin qui bourrique ta voisine cassos blanche à 85 de QI vient essayer d'égorger son frangin. En le traitant okay, fils de pute. Voilà, même si sa mère n'est pas une pute. Dixit. De toute façon, à ce stade-là, je crois que la solution, c'est la bombe à neutrons. Hein. En tout cas, l'immobilier est probablement un des ressorts les plus puissants parce qu'une fois que vous avez emprunté sur 30 ans pour vous payer votre maison, vous êtes naturellement enclin à vous dire qu'il ne faut surtout pas que les choses aillent mal, parce que si les choses allaient mal, vous perdriez votre investissement, votre maison ne vaudrait plus rien, et ce serait 100, 200, 300, 400 000 euros de fichus à la poubelle. Et ça, c'est insupportable. Et c'est pour ça que ces fils de boomers et tous les bourgeois en général, quel que soit leur bord politique, sont vraiment des... Enfin, moi, je leur vomis dessus, hein, si je pouvais leur foutre des claques pour les réveiller, ça serait avec grand plaisir. Non, pas que je sois violent, mais il y a un moment, il faut réveiller les gens, quoi, leur dire, t'as vu ce que tu fais là, c'est quand même vraiment de la merde. Faut vraiment que t'arrêtes en fait, parce que là, t'es en train de nous foutre vraiment dans la merde. Bon, bref, c'est oui, le fait qu'on, mais le problème, c'est qu'on devient tous des bourgeois. C'est-à-dire même le mec qui touche 2500 balles par mois, comparé à un smicard, c'est déjà un bourgeois. Et le mec, il a de l'immobilier, il a des trucs, il a pas envie de les perdre. C'est une catastrophe. Je suis très opposé, moi, à l'accession à la propriété, pour les raisons évidentes suscitées, là. C'est vraiment ce qui se fait de pire en France. D'abord, c'est investir très mal son argent, je trouve. Mais c'est vraiment se mettre une chaîne au pied. Et dans un contexte comme un contexte aussi dynamique que celui de la société française aujourd'hui, où en 2 ans, en fait, ou 3 ans, vous pouvez vous retrouver dans un quartier complètement sinistré par l'immigration parce que votre mère a reçu des consignes en loge pour repeupler sa ville, enfin pour la diversifier grâce à un enrichissement culturel et comment dirais-je, le sauvetage des traducteurs afghans parce que la démocratie, la république, c'est très dangereux en fait d'aller voir un banquier pour se mettre, comment dire, la corde au cou. Tu sais, on disait ça jadis du mariage, hein, se mettre la corde au cou. Alors c'est probablement vrai avec une femme, mais c'est encore plus vrai avec un banquier pour une maison, quoi. Moi, je pense que c'est ce qui se fait de pire. Je pense qu'il faut être un locataire aujourd'hui en France. Je suis totalement opposé en fait au principe de l'accession à la propriété aujourd'hui en France. En tout cas, je veux dire pour ceux qui souhaitent survivre, parce que vraiment. Vous êtes vraiment exposé. Moi, j'estime aujourd'hui, dans la France telle qu'elle est, il faut pouvoir se tirer de sa maison en 2 semaines. Il faut pouvoir dégager en 2 semaines. Voilà, vous faites trois cartons, vous vous tirez sans avoir à dire merci à qui que ce soit. Voyez, vous partez et personne ne pourra rien y faire. Celui qui a une maison avec un crédit, avec un truc, c'est juste pas possible, quoi. Et Le problème, c'est que les Européens, on n'est pas des nomades. Et les nomades nous forcent vont nous forcer à commencer à penser comme des nomades. Fulbert pourrait en parler pas mal de ce concept de nomade sédentaire. Oui, non, je suis d'accord avec ça. Enfin, que les Européens sont des sédentaires. En même temps, ils savent se déplacer aussi, je veux dire, hein, historiquement. Mais pour le coup, ça me semble être vraiment contre-intuitif. Enfin, l'intuition pousse les gens à s'enraciner. Hein. Ils veulent fonder une famille, avoir une maison, se fixer dans un endroit, c'est normal. C'est le goût de la stabilité, de la construction. On s'appuie sur son sol, on s'enracine. C'est normal. Le réflexe est compréhensible. Mais il y a aussi un mimétisme par rapport à la génération des boomers. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui qui sont à peu près dans la trentaine ou début de quarantaine, bon, ils sont déjà bien avancés, je veux dire, ils ont déjà acheté une maison il y a peut-être une dizaine d'années environ, on va dire une dizaine d'années. Et donc, bon, ils ont quand même encore 15 ans de crédit sur le dos. Je ne sais pas, ça dépend où ils se situent, ce que vaudra leur maison à ce moment-là. Peut-être qu'ils ne seront pas totalement perdants, mais il y a aussi la question de la qualité de vie. En tout cas, il y a ce modèle-là qui prévaut et les gens veulent copier les boomers. Donc typiquement, tu accèdes à la propriété, tu t'installes, truc. Sauf que, en fait, tous les paramètres qui sont copiés sont totalement faux. Donc déjà, quand tu accèdes à la propriété, tu te maries avec une femme. Alors les boomers, du temps des boomers, quand les boomers se mariaient, donc dans fin des années 60, début des années 70, le divorce était encore quelque chose de rare. C'était encore quelque chose de très minoritaire. Ça s'est vraiment démocratisé à partir des années 70, 80, 90, avec cette génération précisément. Mais le réflexe des boomers d'accéder à la propriété en couple, ça c'est quelque chose qui est complètement invalidé par la généralisation des séparations. C'est-à-dire que tu achètes une maison avec une femme, tu es marié, 4 ans après, tu divorces. Tu dois rembourser la totalité du crédit seul, tu reprends la part de la maison qui était celle de ta femme, soit il faut la revendre et chacun doit accéder à un nouveau logement. Moi, j'en ai vu des tas comme ça, hein, des tas de gars comme ça qui, après une séparation, ont revendu la baraque qu'ils avaient achetée avec leur nana pour s'en acheter une plus petite, par définition, en remettant un coup sur le crédit, etc. Bon, enfin, c'est voilà. Et deuxièmement, pour une raison raciale. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, on est dans un environnement extrêmement dynamique. Il y a beaucoup de gens qui fuient les zones sinistrés, grands remplacés, qui trouvent leur commune idéale. Voilà, il n'y a pas de bico, formidable, il n'y a pas de noir, très très bien. On a eu des témoignages d'ailleurs en ce sens-là. Et puis, après 2-3 ans de quiétude, tout d'un coup, ils remarquent une ou deux têtes basanées. Voilà, sans crier gare, ils sortent un matin ou ils reviennent du boulot un soir et hop, tiens, ah! Une tête crépue, d'où ça sort, là, je sais pas. Donc là, une petite pointe d'angoisse, merde, d'où ils viennent ceux-là, bon, je sais pas, c'est peut-être un mec qui s'est paumé, c'est peut-être un mec qui vient voir un gars. Bon. Puis les mois passent, et puis en fait, vous en voyez 2 ou 3, et puis là, vous dites, ah, là, il y a un problème. Et puis 3 ans plus tard, en fait, voilà, on vous a implanté des familles de babouins, voilà, vous avez des assistantes sociales blanches qui s'évertue à leur trouver toutes les aides sociales pour les installer, etc., etc. La mécanique est lancée, voilà, vous avez gagné votre part de gâteau à la merde. Et dans ces conditions-là, je ne comprends pas les gens qui se bousculent pour l'accès à la propriété, sauf s'ils sont très riches et qui savent qu'il y a un seuil. Enfin, je veux dire, s'ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent. Je veux dire, il y a le mur de l'argent tient à distance les halogènes, et encore, parce que quand vous regardez Paris intramuros, c'est même plus vrai. Mais sinon, quand on est de la classe moyenne, pour moi, ça me paraît pratiquement suicidaire. Pratiquement suicidaire. C'est un point de vue un peu tranché, mais voilà, c'est-à-dire que moi, j'aimerais pas subir ce que subit notre auditeur là. J'aimerais pas qu'un soir, le voisin, l'Algérien, qui cogne par ailleurs sa blanche, règle ses comptes avec un frangin juste à côté de ma bagnole, quitte à la défoncer à coup de marteau parce qu'il a loupé son frère et que ça termine dans mon pare-brise. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah ça, ça me plairait pas. J'ai une petite anecdote personnelle à ce sujet pour illustrer. Une famille de mes amis, des pré-boomers qui ont environ 65 ans et médecins, devait normalement partir à la retraite, ce qui est normal pour cet âge-là. Et ils se sont mis à acheter une maison à côté de la leur. Je pense que vous avez très bien compris pourquoi, parce qu'ils veulent être assurés que leur maison ne sera pas envoisinée par la diversité. Donc on voit des gens qui ont des revenus particulièrement confortables reculer leur départ à la retraite de 5-6 ans, uniquement pour se donner la sécurité de ne pas se retrouver frontalement confronté à la diversité. On Oui. parle de gens dont les revenus atteignent à peu près les 15-20 000 euros par mois, ce qui sous-entend que pour tous les Français gagnant moins que cette somme, bah, c'est complètement inaccessible. Ça va évidemment dans le sens de mon âme. Oui, mais en plus, bon, les mecs, ils peuvent acheter la maison ou deux maisons à côté de chez eux. Ils vont pas acheter tout le quartier ni toute la ville, quoi. Et Voilà. c'est pour ça qu'en fait, toutes ces questions-là, enfin, c'est de la fuite en avant. Le white flight, en fait, c'est de la fuite en avant. Et il y a vraiment qu'une seule solution, hein. C'est le combat, quoi. Enfin, soit on se casse de France et on va dans un pays qui est pas trop touché. Et puis, de toute façon, on sera confronté aux mêmes conditions. Quelques années, peut-être quelques décennies plus tard, soit on combat ici et maintenant. Alors je sais, c'est facile de dire ça sur Internet, machin, mais on n'a pas le choix en fait. On n'a pas le choix. Ils vont nous, où qu'on aille, ils nous chasseront, ils continueront à venir. Bah, ils vont d'autant plus continuer à venir que les autorités les importent par centaines de milliers chaque année. Je voyais Lellouche intervenir. Je n'ai pas la chaîne, je crois que c'est CNews. Il me semble que c'est CNews. Donc Lellouche, ancien ministre hein, du RPR, hein, donc la droite gaulliste, hein, évidemment d'origine juive. Père d'une loi terroriste pour empêcher les Français de se plaindre des halogènes, bien sûr. Et il fait partie de ces nouveaux convertis à la catastrophe migratoire. Très intéressant. Donc c'est un mec qui a quitté la politique. Hein. Voilà, il a la soixantaine maintenant. Donc après une longue carrière politique, avoir émargé partout où c'était possible, sous Sarkozy et les autres, eh bien, on le voit arriver sur CNews en disant, ah ouais, mais ça fait 30 ans que je le dis. Il a parlé comme ça, hein, ça fait 30 ans que je le dis, j'en parlais déjà dans mes bouquins, etc. Bon, moi je l'aurais eu en face de moi, je dis, bah, si ça fait 30 ans que vous le dites, comment ça se fait que vous passez des lois pour empêcher les Français de se plaindre de l'immigration? La loi dite Lellouche, hein, qui aggrave en fait notamment la prescription, enfin, qui allonge la prescription pour les délits dits racistes. Normalement, les délits de presse à caractère raciste, qui en soi déjà est scélérat, étaient normalement de 3 mois, et grâce à Lellouche, c'est passé à 1 an. Voilà. Donc, ce qui d'ailleurs est complètement anticonstitutionnel, puisqu'évidemment, on ne voit pas pourquoi, en fonction de l'opinion, la prescription serait plus étendue que pour un autre type d'opinion. Bon, c'est évidemment du tripatouillage Ah, juif. attention, s'il vous plaît, attention. Le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Ah oui, j'ai bien compris. Et d'ailleurs, il en est tellement convaincu, d'ailleurs, qu'il a aggravé les dispositions légales sur ce sujet. Donc voilà, bon, c'est quelqu'un qui arrive quand même sur CNews, la bouche en cœur. Hein. Oui, ça fait 30 ans que j'explique en fait qu'il faut arrêter l'immigration, bien sûr. Mais nonobstant, il a quand même dit deux, trois trucs qui n'étaient pas inintéressants. Et il a dit, bon voilà, bon, vous connaissez les motivations, hein, pourquoi tout d'un coup ce juif parle comme ça. C'est parce qu'en fait, il serait aux États-Unis, en fait, il serait à fond pour l'immigration. Parce qu'aux États-Unis, en fait, il n'y a pas la dimension islamique de l'immigration. Donc aux États-Unis, 90% des juifs votent à gauche, alors que le pays, dans 20 ans, sera à minorité blanche. Donc c'est pas racial. C'est pas racial au sens où c'est pas parce que les États-Unis deviennent à minorité blanche que les juifs, tout d'un coup, basculent à droite. Hein. C'est pas du tout ça. C'est vraiment, en France, le caractère islamique de l'immigration qui exprime de plus en plus ouvertement une hostilité de principe à l'égard des juifs, qui fait qu'il y a une partie des juifs qui disent « là, on a peut-être un petit peu été un peu trop loin dans l'expérimentation, ce serait pas mal de mettre 2-3 freins ». Et alors il dit ceci, voilà, on en a 400 000 qui rentrent par an, quand on fait la totalité demandeurs d'asile, illégaux, immigration légale. Bon, bah effectivement, c'est les chiffres que nous-mêmes on diffuse, c'est des chiffres absolument incontestables. 400 000 par an, il dit, c'est l'équivalent, c'est plus qu'une ville comme Bordeaux, voilà, c'est une ville comme Nantes, etc. Ouais, tout à fait, c'est tout à fait juste. Et il dit, aujourd'hui, dans l'immigration, hein, chez les jeunes, il dit chez les jeunes, chez les, clairement chez les mineurs, et de toute façon, on va dire, dans les moins de 10 ans, il dit, on est entre 30 et 50% de gens d'origine immigrée. Bon, ben c'est les chiffres qu'on a toujours donnés, nous. Donc, en fait, c'est le bal des faux culs. C'est-à-dire que là, je parle d'un ancien ministre, hein, je parle pas d'un agitateur d'extrême droite qui se livre à ses élucubrations favorites. Je parle vraiment d'un ancien ministre, d'un parti de gouvernement qui est une voix parfaitement autorisée dans le système républicain. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit on est entre 30 et 50% chez les adolescents et de toute façon les mineurs qui sont d'origine immigrée, et le pays est en train de changer de nature en raison de la démographie. Et oui, ça on l'a sous les yeux. Et ça continue, ça s'accélère. Macron en fait venir 400 000 au rythme annuel. Donc si vous voulez, là on est dans une mécanique où la question de on va mettre un peu plus de flics, on va changer 2-3 lois, même j'entends hein, les propositions là, on va changer le droit de la nationalité, mais ça avait une pertinence il y a 40 ans. Ils sont là maintenant, c'est-à-dire vous changez le droit de la nationalité, qu'est-ce que ça change ? Strictement rien, strictement oui, rien. C'est le problème de Zemmour et de pas mal de mecs de droite, qui soient connus ou non, mais ces gens en fait, quand tu leur dis la seule solution c'est de faire partir ces gens dans les pays de leurs ancêtres, ils te disent « Ah mais non, on peut pas, c'est raciste, il y en a des biens, il y a machin, c'est un réfugié, il travaille, il a monté une boîte, il contribue à la société française. » Mais tu vas dire « Oui, mais juste en fait, tais-toi, parce que toi, ce que tu voudrais, c'est revenir à la situation d'il y a 50 ans, qui nous a plongé dans la situation actuelle. Et en fait, explique-moi comment, en refaisant exactement ce qu'on a fait il y a 50 ans, on va s'en sortir cette fois. » Non, en fait, il n'y a pas de solution... Pas de solution pacifique, oui. Enfin, si nous, on était au pouvoir, certes, mais bon, voilà, on sait bien qu'on n'y arrivera pas. Mais non, il faut être radical. Et il va falloir être... je sais pas quelle forme ça prendra, mais... on va pas pouvoir, effectivement, juste appeler Mamadou et lui dire, dorénavant, tu peux venir que si tu t'appelles Eric et tout ira bien. Non, ça n'a pas marché. Bah, ça permet d'enchaîner avec la rubrique numéro 2, grand remplacement. Tu vas pouvoir enchaîner là-dessus. Donc ça, c'est un peu le sondage choc de cette semaine. Le choc, le mot est faible. Donc, sondage réalisé sur le grand remplacement. En fait, c'était un sondage qui a été fait par rapport à la présidentielle. En fait, il tentait différents candidats. Et dans le sondage, il y avait une partie annexe pour essayer un peu de comprendre, en fait, les interrogations des électeurs appelés aux urnes. Il y en a à peu près 47 millions théoriques inscrits sur les listes électorales qui sont appelées à se déplacer au mois de mai prochain, enfin avril-mai, pour choisir un futur président à la France. Et alors, on pose la question, grand remplacement. Premièrement, est-ce que vous pensez qu'il y en a un ? Première question. Deuxième question, est-ce que ça vous inquiète ? Donc, est-ce que c'est vrai ? Et si c'est vrai, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est positif ? Est-ce que c'est négatif ? Est-ce que vous en foutez ? Alors, première réponse, est-ce qu'il y a un grand remplacement ? 61% des Français répondent oui, il y a un grand remplacement. Le grand remplacement, au risque de me répéter, mais vous allez sur la fiche Wikipédia qui donne la version officielle du régime, donc de la classe politico-médiatique, sur ce qu'est le grand remplacement. C'est, dixit, une théorie conspirationniste d'extrême droite, raciste et antisémite. Vous voyez, il manque plus. Ouais, il manque néo-nazi. Ils n'ont pas réussi à le glisser dans l'introduction. voilà, qui est véhiculé là, et dont blablabla blablabla. Donc c'est très clair, hein, c'est de la fantasmagorie. Il n'y a pas le moindre début de réalité à cette théorie. C'est pour ça que c'est du conspirationnisme, parce qu'en plus, est précisé par Wikipédia, et donc par les médias autorisés, hein, il est précisé que c'est un plan, c'est un projet, hein, que le remplacement de population est voulu par les élites qui imposent ce remplacement de population. Alors, le problème, donc, quand vous écoutez tous les organes dits de lutte contre la désinformation, alors tous les journaux payés par l'État en ont, hein, c'est Le Monde, Libération, L'Express, etc., c'est le fact-checking, vous connaissez ça très bien, vérification de fait, entre guillemets. Donc, en fait, les médias dominants vous disent la vérité, prétendent avoir la vérité et vous la rappelez. Et sur le grand remplacement, ils sont absolument clairs. Ils disent, c'est délirant, c'est conspirationniste, il n'y a pas le moindre début de réalité, et ceux qui parlent de cette théorie appartiennent à une frange ultra-raciste de l'opinion et ne représentent qu'eux-mêmes. Donc, c'est faux et ça ne représente personne. Le consensus n'a rien à voir avec ça. Le consensus, c'est que la France est une république. Oui, il y a des problèmes avec certaines catégories de radicaux, notamment au plan religieux, voilà, mais grosso modo, hein, voilà, le consensus, c'est le vivre ensemble, c'est la tolérance, blablabla. Et tombe ce sondage incroyable où on dit que 61% des Français, c'est 6 Français sur 10, c'est une majorité très nette, dit « Ah non, non, mais c'est pas une théorie conspirationniste, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Ça se passe. » Alors là déjà, si vous voulez, il y a un problème, ils vont avoir un problème majeur. Là, je parle de tous les médias et de la classe politique, et même de l'appareil d'État. C'est-à-dire que comment tu fais pour dire qu'une théorie est conspirationniste et que ceux qui la répandent sont des conspirationnistes, quand tu as affaire à une majorité qui y adhère ? C'est-à-dire que là, ils ont un grave problème politique. Et deuxièmement, la réaction, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous en avez rien, vous en actez de la réalité ? Est-ce que vous vous en foutez ou est-ce que... Réponse, 67% des Français, là c'est les deux tiers, hein, les deux tiers des Français disent « ça m'inquiète ». Ça m'inquiète de me faire remplacer. Bon, c'est un réflexe totalement naturel, de bon sens, sain, d'accord ? Moi j'ai pas envie de me faire remplacer sur la terre de mes ancêtres, bon oui, ça tombe sous le sens. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a un tiers des intéressés qui répondent non. Bon, on a compris que là-dedans, il y a en fait, en gros, les gauchistes et les métèques, hein. Les métèques qui prêchent pour leur paroisse, mais les gauchistes, en fait, c'est pour faire du sabotage. Et en sachant que plus on monte haut dans la société, plus on retrouve des gens qui disent que c'est de la conspiration. Il y a un vrai phénomène là-dessus. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, plus on a... J'aime bien quand il dit ça. Ah oui, les gens qui votent Le Pen, ces gens, ils n'ont pas beaucoup de diplômes. Alors que ça n'a rien à voir. C'est pas une histoire d'intelligence ou du fait d'avoir transité par une école. C'est simplement que tu n'as pas beaucoup de diplômes, donc... tes revenus sont assez faibles, donc tu peux pas vraiment choisir là où tu vis, et tu te tapes l'immigration du tiers-monde qu'organisent les élites. Et eux, ils passent en touche, ah non, mais en fait, c'est les débiles qui sont pas allés à l'école, c'est les incultes, les analphabètes qui votent RN. Ça n'a rien à voir. Et par contre, pour l'histoire de la pour l'histoire de ceux qui disent que le grand remplacement est une théorie conspirationniste, là, c'est totalement corrélé au niveau de vie. C'est-à-dire que plus tu montes, plus les mecs sont entre guillemets dans le déni, voire carrément dans le cynisme. C'est-à-dire qu'on dit non, mais ça se passe pas en fait. Ils l'organisent, mais ça se passe pas, quoi. Alors là, on a deux chiffres qui rejoignent donc un peu ce que tu disais, comment dire, Hopman. C'est que pour l'opinion publique française, bah, la question, elle est tranchée. Il n'y a plus de débat sur le grand remplacement. Il y a encore un débat dans les médias, dans les classes dirigeantes. Parmi les quelques 37 000 journalistes, parmi les quelques 8 000 magistrats, il y a encore éventuellement un débat et une opposition très nette au constat du grand remplacement. Mais dans l'opinion, dans le peuple, dans les tréfonds du peuple, aux deux tiers, les gens ont acté de cette réalité. Et c'est très simple, tu sors de chez toi, tu le vois, le grand remplacement. Hein, c'est très simple. Donc voilà. Donc là, on est à un moment, je pense, important, parce que les couches dirigeantes se sont tellement éloignés de la réalité vécue par les populations blanches, notamment la classe moyenne, que pour moi, le divorce, il est consommé. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus jamais de rapprochement à nouveau. C'est pour ça qu'on les voit paniquer de plus en plus, adopter des lois de surveillance de plus en plus draconiennes, de contrôle de ce qui se dit sur les réseaux sociaux de plus en plus direct, parce qu'ils sentent qu'ils ne peuvent plus convaincre les gens. Donc maintenant, c'est ferme bien ta gueule, ok ? Tu vas te prendre l'immigration qu'on a décidé que tu allais te prendre dans la gueule sans broncher, d'accord ? Si ça ne te plaît pas, c'est la même chose. Et si tu as envie de sortir des clous par rapport à ça, ça sera la visite des flics à 6h du matin. Ça, c'est la République française aujourd'hui en 2021. Voilà. Et au quotidien, ça donne les épisodes qu'on a cités dans les deux courriers des lecteurs. C'est-à-dire que pendant que des dindes comme Schiappa ou des ordures finies comme Macron continuent leur travail d'anéantissement, les gens, eux, subissent. Et ils voient que l'appareil d'État est complètement paralysé. Notamment au plan de la justice, la police, etc. Ils voient qu'il n'y a plus de réaction. Donc, peut-être que j'embraye là-dessus et je vous donne la parole, bien évidemment. Hein. Là, dans les propositions, c'est ça que je vois, hein, les propositions en fait, des candidats à l'élection présidentielle me semblent toutes tapées à côté. Typiquement, le changement de législation sur l'acquisition de la nationalité. Alors évidemment, ça fait plaisir parce qu'on se dit « Ah bah c'est bien, revenir au droit du sol ». Oui, d'accord, mais en pratique, ça ne change rien. Ça ne change strictement rien, ça ne va pas remigrer un seul arabe. Renvoyer les criminels étrangers chez eux. Formidable, mais ça, c'est même pas le début d'un apéritif. Vous voyez, je parle même pas des questions de réforme radicale du système social. Quand vous regardez la façon dont les HLM sont distribués en France, c'est juste ahurissant. Avec l'argent des Français, hein, je veux dire, on loge le tiers-monde. Bon, le fric est sorti de partout. La dette française explose et les classes moyennes, elles, voient que leur niveau de vie se casse la gueule. Vous voyez, là, vous avez vu, ça a gueulé pour le carburant. Castex, il arrive. Bon, j'ai compris, ça braille, d'accord. Bon, voilà. Chèque 100 euros, tu vois, pour aller faire un plein, tu vois, qui sont 85% de taxes. Je veux dire, donc, il t'en donne 100, il en reprend 85. Je veux dire, et ils estiment avoir fait un... avoir tendu la main au peuple. Non, mais bon, t'es un peu dur, Gandalf. Hein. Ils ont fait un effort. Au début, c'était pas 100 euros. Ils voulaient donner des tickets. Ah, ils auraient fait une administration pour donner des tickets, je vois ça d'ici. Oui, oui, oui. Alors, on n'allait pas leur parler de réduire, évidemment, les taxes, parce que là, ils vont se mettre à tourner de l'œil. Voilà. Ils vont appeler la police à tirer sur les gens. Enfin, c'est... Voilà, quoi. Ouais, il serait même capable, je crois, de demander aux flics de crever les yeux à des gamines. Je les crois capables de faire ça. C'est ça, ouais. Ou de couper, d'arracher les mains au peuple qui essaye de voler l'État. J'ai d'ailleurs entendu des gens arguer qu'il était bien mieux de faire cette distribution plutôt qu'une réduction d'impôts, car voyez-vous, la distribution ne va bénéficier qu'aux personnes nécessiteuses, alors qu'une réduction d'impôts bénéficierait elle aussi aux riches. Et ça, c'est mal. Oh, quelle horreur! Oh, mais vous savez que ça, lors des Gilets jaunes, parce que la gauche organisée, hein, a été complètement hors jeu au début des Gilets jaunes. Hein, donc là, on est novembre-décembre 2018. Le truc surgit, le peuple, pas tout le peuple, mais enfin, je veux dire, les catégories les plus exposées de la France périphérique ou rurale ou périurbaine va sur les ronds-points. Et là, en fait, toute la gauche organisée, syndiquée, ils sont complètement largués, ils ne savent pas ce qui se passe. Enfin, tous ces grands bourgeois, évidemment, ils sont largués, quoi. Et alors, ils voient que le peuple, parce que là-dedans, il y avait des chômeurs, il y avait des artisans, il y avait des ouvriers, enfin, c'était vraiment la France des petits blancs. Qui souffre, quoi, et qui est déclassé, qui est en train de se faire brutaliser comme jamais par la classe dominante. Et alors, il disait, bah nous, on veut payer moins d'impôts. Il y en a assez des impôts. Rappelez-vous, hein, le point de départ, c'est le plein est trop cher, le plein d'essence est trop cher. Et la classe dominante était, ça c'était Hollande qui l'avait décidé, était dans le processus de faire augmenter le prix du gasoil et de l'essence pour lutter contre le réchauffement climatique. Vous savez, là, cette espèce d'escroquerie intellectuelle. Et alors, du coup, il y avait un échéancier très précis et les hausses étaient mécaniques. Et jusqu'à ce que ça coince, quoi. Et comment dirais-je? Et là, le discours, le slogan majoritaire parmi les Gilets jaunes et qui traversait toutes les classes, toute la classe moyenne, c'était... Il faut baisser les impôts. Et là, la gauche, elle défilait sur les plateaux de télévision, bien évidemment renforcée par le discours gouvernemental de la clique macroniste, en disant non, mais en fait, les gens, les gens, ils veulent plus de services publics. Les gens, ils veulent plus de services publics, ils veulent mieux d'impôts, comme ils disent. Alors, attends, parce que je vais juste devoir y aller, mais je vais juste intervenir une dernière fois. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas tort. Parce que moi, j'ai déjà parlé avec des gens qui, dans la même phrase, sont capables de te dire « j'en ai marre de payer des taxes, ouais. Je ne peux pas vivre, et, mais il faut plus de social, il faut plus d'école, il faut plus de moyens pour ci, pour ça. » Et le mec, je lui dis « mais tu t'écoutes parler ? Pourquoi ? Et l'argent, il sort d'où ? Qui c'est qui finance ça ? Oh, c'est l'État ? Ah ouais, oui, l'État, c'est qui ? Il n'a pas fait le lien entre lui et l'État, quoi. Ouais, voilà. Bref. Sa qualité de contribuable à l'État. Ouais. Mais enfin, la gauche a été vraiment déstabilisée par ça. C'est-à-dire que la gauche, c'est le parti de l'impôt, en fait. Hein. C'est, parce qu'évidemment, c'est, la gauche, ça représente quoi ? C'est des fonctionnaires et leur clientèle, c'est-à-dire les assistés. Et donc, évidemment, eux, il faut des impôts, quoi. Toujours plus d'impôts. Or, les petits blancs, eux, ils ont un profond sentiment d'injustice parce qu'eux travaillent. Et ils voient que les parasites touchent les aides sociales. C'est pas d'aujourd'hui, mais ça devient tellement flagrant, surtout aujourd'hui avec les migrants qui viennent de partout là. Les traducteurs afghans, c'est magique ça. Je veux dire. Donc ils ont le droit à tout. Ils se comportent comme des ordures. Et le petit blanc qui lui est honnête, travaille dur, paye des impôts, n'a rien en échange parce que quand vous êtes dans des territoires ruraux ou périurbains, vous avez rien. En termes de redistribution, vous avez que dalle. Vous avez que dalle. Vous vivez dans des déserts médicaux, ils ferment les maternités, les infrastructures sont dans un état de plus en plus lamentable, vous payez à fond pour remplir faire votre plein d'essence, d'accord ? Pendant ce temps-là, vous allez dans les grandes banlieues des métropoles, typiquement banlieue parisienne, ça, on leur paye des installations sportives nec plus ultra. C'est le numéro de Macron, là, avec son sommet France-Afrique à Montpellier. Ils financent les installations sportives en Afrique, chez les nègres. Là encore récemment, il a dit on va créer des infrastructures sportives, je veux une nation sportive, etc. C'est que des installations nec plus ultra qu'on va implanter dans des banlieues à Cafres et à Bicaud. Les petits blancs, dans les départements ruraux ou semi-ruraux, ils ne voient rien. Il ne voit rien de ce fric, il ne voit rien. Et ça, c'est vérifié, corroboré par les chiffres de redistribution. Ce que touche un petit Français dans un département comme la Meuse, vous le mettez ça en regard de ce que touche un Français de papier de Seine-Saint-Denis, je veux dire, c'est sans commune mesure, c'est hallucinant. Et le problème, malheureusement, c'est que tous ces petits blancs-là de territoires ruraux ou de la France périurbaine ne se révoltent pas. C'est-à-dire que c'est pas dans leur culture, parce que c'est des gens, si vous voulez, culturellement, et c'est racial, hein, on est dans une posture d'humilité et de discrétion face à sa souffrance. Ce n'est pas moral et ce n'est pas honorable que de faire état de ses difficultés en place publique. Est-ce que tu vas dire que la Goy du Nord se tourne pour pleurer ? Mais c'est ça, moi je suis désolé, mais dans les campagnes, c'est la vieille culture paysanne. D'abord, la souffrance était quelque chose qui faisait partie du quotidien. Donc, on partait déjà du principe que c'était une donnée, que s'en plaindre, c'était faire preuve de faiblesse par rapport à d'autres qui subissaient les mêmes choses. Donc, ça, c'est très ancré. Il n'y a pas cette culture, en fait, de la révolte. Sauf peut-être dans quelques poches où le Parti communiste a travaillé la paysannerie pour la transformer en paysannerie rouge, mais c'est très localisé et c'est pas du tout général. Donc en fait, les gens souffrent, et quand vous allez dans les campagnes, vous voyez des situations de misère, mais très prononcées. Il y a de l'alcoolisme, il y a de la solitude, il y a des vieux qui meurent tout seuls, etc., chez eux. Et Macron et sa bande et les médias qui sont tous à Paris, ils s'en foutent. Ils vous parlent de leurs idoles de banlieue, quoi. Je veux dire, des mecs, ils sont gros, ils sont gras, ils ont des grosses bagnoles, ils ont les derniers iPhones, ils sont en train de flamber, ils sont avec leur quad à la con en train de faire des rodéos, etc. C'est ça la misère. Ouais, faut arrêter. Et malheureusement, comme les blancs ferment leur gueule, eh ben rien bouge. C'est ça le problème. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans ces catégories de la population, là, chez les petits blancs, donc de ces territoires-là, il n'y a pas envie de plus d'impôts. Parce qu'eux, ils ont fait une croix sur l'intervention de l'État dans leur territoire. Okay, ils ont acté du fait qu'ils sont abandonnés. Donc, ils ne sont pas en train de se bercer d'illusions là-dessus, ils savent qu'ils sont abandonnés. Donc, maintenant, ils disent, bon, voilà, l'État a largué les amarres, ok, ben, moi, maintenant, je veux larguer les amarres fiscalement. C'est-à-dire que j'en veux plus pour moi, j'en ai assez de devoir payer pour d'autres qui ont le droit à tout. Ça, c'est ça, en fait, ce que disent les gens. C'est ce qu'ils disent, en substance. Voilà. Et pour les châtiers, j'ai un peu l'impression que c'est ça, pour les châtiers, on leur dit, c'est pas grave, on va te mettre des assistés près de chez toi, là. Ça. Ah ouais, voilà, on va t'en mettre là, près de chez toi, là, t'as des gens qu'on aide là. Allez, on va en mettre près de chez toi. Alors en plus, t'es pas aidé, et ensuite, t'as l'Hindou Kouche qui débarque dans ton village sinistré, quoi. Et je vois des papiers dans Libération, donc la grande bourgeoisie blanche parisienne, quoi, Libération, hein, tenue par Dov Alfon, donc les services de renseignement militaire israélien, qui font un papier, c'était pas plus tard qu'il y a deux jours, hein, qui explique comment l'accueil des migrants dans les centres spécialisés redonne vie aux villages sinistrés. Sois heureux, toi, le petit blanc abandonné par l'État dans ton village, tu vois, t'as plus de docteur, t'as plus rien, toutes les femmes sont parties à la ville, bon voilà. Sois heureux, on t'apporte des gueules patibulaires venues du Pakistan auxquelles on donne ton fric. Voilà. T'as quand même de la chance, hein. T'as quand même du bol. C'est Libération, je veux dire. C'est payé par l'argent des Français, ça aussi, toute cette presse de merde. Enfin bon. En fait, ce serait voir un journaliste filmant Attila mettant le feu à un village et commentant « Regardez comment il remet de la vie dans ce village. Regardez comme les gens courent et hurlent leur joie. » Ouais, il dit « Non, mais il y a quand même quelques xénophobes dans le coin qui n'aiment pas trop ce spectacle. » Tu vois, c'est ça, en fait. Non, mais c'est démoniaque. Il y a par exemple un moyen de démystifier, c'est simplement la redistribution, hein, par analogie. La redistribution, en fait, c'est exactement comme quand vous êtes fait piquer par un moustique. Vous êtes dans la pauvreté, ça fait mal, c'est comme avoir été piqué par un moustique, ça gratte. Du coup, la redistribution, c'est gratter. Voilà, ça soulage. Sauf que plus vous grattez, et plus vous avez envie de vous gratter. Et c'est sans fin. C'est sans fin jusqu'à ce que vous saigniez à blanc. Et pour arrêter ça, mais il faut être capable de serrer les dents et de se dire « Bon, j'arrête de me gratter, j'attends quelques heures et ça va passer. » Sauf que, évidemment, le problème, c'est que les Français ne devront pas attendre quelques heures pour voir les effets bénéfiques de l'arrêt de cette redistribution, mais ça prendrait quelques années. Tout le problème est là. Enfin bon, il y a une rupture culturelle, je veux dire, en tout cas dans les tréfonds de la population. Hein, je veux dire, ça, voilà, les deux tiers des Français ont compris, oui, on se fait grand remplacer, c'est une politique, elle est visible, elle est quantifiable, et oui, aux deux tiers aussi, ça m'inquiète. Bah oui, forcément, quand on vous pousse vers la sortie de l'histoire, au terme d'une politique qui est de facto génocidaire, vous êtes inquiet. Je veux dire. C'est comme si on avait fait un sondage chez les Indiens d'Amérique. Êtes-vous inquiet par rapport à l'arrivée des Blancs? Est-ce que ça vous inquiète ou pas? Et puis là, oui, quand même, un peu. Ah ben vous avez vu quand même, hein, là, le complotisme, hein, ça cartonne, hein, chez les Indiens d'Amérique. Hein. Ah, va falloir déployer des fact-checkers sur place, là, oui. Non, mais on en est là, quand même. Est-ce que les Français, penses-tu, Gandalf, sont conscients qu'on les génocide? Parce que très souvent, quand j'en parle autour de moi, ils se plaignent surtout qu'ils voient de plus en plus d'étrangers, mais ils ne font pas le lien avec le fait qu'il y ait de moins en moins de Français, parce que la génération des boomers n'est pas encore crevée. C'est-à-dire qu'on va vraiment voir notre population s'effondrer dans 15-20 ans. Ouais. Comment dire, j'aime bien l'expression des Juifs là-dessus, parce que les Juifs, hein, ont de la suite dans les idées, puis ils aiment bien se servir en premier. Alors, dans la France grand remplacée, où les Juifs, en fait, sont aux commandes, hein, je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, ni comment, et quelle forme ça prend, ils s'estiment lésés. Bon, les Juifs s'estiment depuis à peu près 3000 ans lésés par tout le monde et sous toutes les latitudes. Mais en France, ils s'estiment actuellement très très lésés. Et alors, ils avaient expliqué qu'ils devaient se déplacer, les pauvres, vers le 17e arrondissement, quitter Sarcelles, se déplacer vers le 17e arrondissement, parce qu'effectivement, les populations autour, elles pouvaient être parfois un petit peu agressive à leur égard. Et alors, leur formule, que j'ai trouvée très, très, très, très, très bonne, ils parlaient d'un génocide à bas bruit. et même d'un enfin, d'abord d'un nettoyage ethnique à bas bruit et d'un génocide à bas bruit. Je trouve la formule excellente. Effectivement, le grand remplacement, c'est un génocide à bas bruit. Voilà. D'accord. On ne fait pas couler le sang, mais le résultat est le même. Le résultat est le même. Alors, auto-infligé dans une certaine mesure, subi dans une certaine mesure, parce qu'il y a quand même des donneurs d'ordre et il y a un système, et bon, on a quand même pas mal déconstruit l'origine, hein, le mécanisme en fait global de cette politique. Vincent Raynouard en a parlé aussi, bien sûr, mais quand même, il est subi et il est, en tout cas par les populations qui le prennent dans les dents, il est subi, et c'est effectivement un génocide à bas bruit. Les Français en sont-ils conscients? Non. Précisément parce que ce n'est pas létal. Ce n'est pas létal. Voilà. Donc, comme ça n'est pas létal, les gens disent génocide. Ben non, génocide, c'est quand on fait verser le sang. Voilà. Donc, c'est ce qui les fait bloquer, mais je pense qu'ils vont pas tarder à réaliser que. Déjà, là, il y a un basculement. C'est-à-dire que, quand même, l'idée du grand remplacement, c'est ça à terme. Alors, comme tu l'as bien dit aussi, il faut mettre en perspective, c'est dans 20 ans qu'on va voir l'ampleur de ce qui se passe maintenant. Parce que le problème de la démographie, c'est que c'est en différé. Donc malheureusement, on ne peut pas voir instantanément les effets de la démographie. Mais quand vous avez 40% ou 42% de naissances non blanches dans les maternités en 2021, les effets tangibles, concrets, vous ne les verrez que dans 20 ans, c'est-à-dire ou dans 15 à 20 ans, c'est-à-dire quand les adolescents en question sont dans les rues. Bon, il est déjà largement acté dans les grandes villes, ce grand remplacement, mais là, je veux dire, ça sera absolument massif, incontournable. Et ça ne se réglera pas par des cours de laïcité, ça ne se réglera pas, même si Marlène Schiappa y met beaucoup d'ardeur, par des lignes téléphoniques gratuites pour récolter les plaintes des femmes à agresser sexuellement, etc., etc. Non, ça sera par la force des choses, par la force des allogènes, ça sera violent. Voilà. Donc, et là, je pense que les gens commenceront à comprendre, enfin, les autochtones commenceront à comprendre non seulement que le grand remplacement est une réalité, mais que c'est une réalité génocidaire. Voilà. Moi, vous savez, moi, dans tout ce que je fais depuis l'origine, moi, j'ai toujours fait le pari du long terme, en fait. Et de toute façon, je pense que notre philosophie est par définition une philosophie du long terme, contrairement à la gauche. Quand on fait le pari du long terme, on sait qu'on ne va pas gagner tout de suite, mais on fait le pari des faits. Et tôt ou tard, les faits s'imposent, que ça plaise ou pas aux idéologues, que ça plaise ou pas aux polémistes, que ça plaise ou pas aux gauchistes, tôt ou tard, les faits s'imposent pour eux-mêmes. C'est-à-dire que les gauchistes, aussi mégalomanes qu'ils soient, ne peuvent pas déterminer les faits. Et les faits vont être visibles par tous. La réalité objective, ça existe. N'en déplaise donc aux subjectivistes forcenés de la gauche actuelle. Ça va s'imposer à tout le monde. Et quand ça va s'imposer, il va y avoir une espèce, si vous voulez, de prise de conscience, de choc, de colère. Et je crois, c'est même ma certitude, je crois que quand les gens, les autochtones, je veux dire les blancs, vont vraiment prendre la mesure de ce qui est en train de se passer, il y aura une telle vague de colère, de révolte et de haine, que tous ceux qui auront pris, à quelque titre que ce soit, position pour l'invasion afro-islamique, devront quitter les zones de peuplement blanc. Ils ne pourront même plus y vivre. Je le crois profondément. Je le crois profondément. Il va y avoir un grand retournement qui sera concomitant en fait à l'effondrement démographique général, hein, et au raidissement des populations autochtones. Et dans ce raidissement, tous les clowns qui font actuellement montre de tolérance, etc., seront des gens qui seront considérés comme des traîtres et pourchassés comme des traîtres. Et je crois d'ailleurs à cette occasion-là qu'il y aura beaucoup de gens qui seront même pas, si vous voulez, des historiques en fait du mouvement de résistance identitaire ou à l'immigration. Je pense que ce sera vraiment des gens de la base qui auront subi ou qui subissent à ce moment-là, qui s'empareront de leur sort. Je crois même pas que ce sera vraiment, comme je le dis, des historiques. Attention, les choses bougent, là ça bouge. Hein. Là, c'est. Parce qu'il faut vraiment lire la presse anglo-saxonne sur la question du grand remplacement. Il faut comprendre que cette théorie-là du grand remplacement, c'est considéré. Quand vous l'utilisez, vous êtes à la limite du terrorisme pour des organismes comme la CIA. Il faut comprendre que dans leurs écoles de formation et dans leurs agences, le grand remplacement. C'est du même niveau, si vous voulez, que ce qui peut être dit, le type d'enseignement diffusé dans les groupes djihadistes internationaux. Pour la CIA, c'est du même acabit. Alors, comment on fait, je pose la question là, vous pouvez peut-être rebondir là-dessus, hein, mais comment on fait, comment vont-ils faire, tous ces gouvernements, quand ils vont comprendre que des populations entières, de nations occidentales entières, adhèrent à ce que eux considèrent comme des positions terroristes. Comment ça va se passer? C'est la Serbie, on va déployer des B-52, comment ça va marcher? Moi, je suis curieux de le savoir. Le fait qu'ils nous considèrent cette théorie comme équivalente à celle du terrorisme est tout à fait normal, puisqu'elle est même potentiellement largement plus dangereuse pour le maintien du statu quo que quelques islamistes trucidant quelques blancs dans des soirées en boîte de nuit. Quelque part, c'est tout à fait logique. Ça n'a rien d'hallucinant, ça n'a rien d'étonnant. C'est le fait d'un système qui cherche avant tout à se perpétuer, à se défendre. Totalement, bah évidemment, hein, tu le dis bien, hein, genre la classe moyenne, c'est la vache à lait du système. C'est elle qu'il faut contrôler. D'ailleurs, c'est à ça que sert le dispositif actuel sanitaire. Hein. Contrôler la classe moyenne, s'assurer que la vache à lait fiscale continue de raquer et qu'il n'y ait pas de révolution. Hein. C'est dans le cadre plus général de l'endettement chronique et irrésorbable à ce stade. Donc évidemment, si la révolte gagne et même se transforme en révolution, sur fond de saturation face à cette politique absolument folle d'importation de bataillons de supplétifs, effectivement, là, on est dans une phase révolutionnaire. C'est ni plus ni moins que ça, et on est identifié comme tel. Hein. Oh, ils nous le disent, hein. Moi, quand je les ai vus débarquer avec leur néologisme, faut regarder quand ils inventent des nouveaux mots, des nouveaux concepts, qu'ils ont commencé à parler de terrorisme domestique. Bon, j'ai bien compris que terrorisme domestique, en fait, c'est du pont et du rang, hein. C'est voilà, ça s'adresse aux blancs, donc voilà, le jambon dans une boîte aux lettres, terrorisme, oui, le grand remplacement, terrorisme aussi, bon, c'est acté, hein. Ils ont un seul ennemi, c'est l'homme blanc, voilà, ils nous le disent tous les jours en même temps. Hein. Oui, c'est vrai, ils ne perçoivent le musulman un peu excité que comme un déstabilisateur, mais pas un ennemi prioritaire. L'ennemi prioritaire, c'est l'homme blanc. Oh, déstabilisateur, c'est un peu fort. Disons que c'est un trublion, il fait un petit peu d'agitation. Oh, oui, mais ça fait partie de la vie d'une grande ville. Hein, voilà. Oui, mais ce que je veux dire par là, déstabilisateur, c'est-à-dire que par son agressivité, Le musulman un peu agité excite un mécanisme de défense des populations autochtones. Et ce mécanisme de défense est le mécanisme que redoute la caste parasitaire. Parce que la caste parasitaire a peur du producteur sédentaire qui détient, en fait, qui a entre ses mains la véritable valeur ajoutée. C'est lui qui produit la valeur. Donc c'est de lui dont il faut garder le contrôle. C'est l'homme blanc qui doit rester sous contrôle. Et malheureusement, entre guillemets, pour ceux qui décident. La politique d'immigration, elle est bien vraiment conçue pour engager les autochtones, mais elle a un effet indirect qu'ils essayent de contrôler avec leur soi-disant politique antiterroriste contre les musulmans en France. C'est que ça génère, je veux dire, des anticorps chez les Blancs. C'est ça. C'est qu'en fait... Ouais, bah oui, c'est le problème, c'est que ça génère encore des micro-réactions. Parce que l'anticorps, je sais même pas si... Disons que oui, c'est des micro-réactions, ouais, c'est encore beaucoup trop. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont prévu de nous rééduquer. Voilà. Bon. Par la vaccination, hein, d'ailleurs, on reste sur le registre médical. Par la vaccination, ta bonne femme aussi va être rééduquée. Hein. Elle va construire, c'est-à-dire te couper les couilles. C'est une forme de rééducation aussi, ça, tout le féminisme, l'homme déconstruit. Tu vois, c'est, ouais. C'est bon. Ouais, j'ai vu ça, le slip chauffant aussi, j'ai vu ça là récemment. Là, ça c'est le. Ouais. Pour rendre un stérile. Créé par une certaine Madame Weiss, d'ailleurs, d'origine juive. Oh. Ah oui, un slip chauffant, une sorte de four crématoire à couilles de bœuf. Ouais, c'est entre four crématoire et ceinture de chasteté pour les goyes, pour les hommes blancs, en fait. Tu vois, c'est espèce d'inversion totale, là, on est à un les moment. Les femmes vont être comme des folles, hein, parce que quand tu leur parles de castration, elles vont être contentes. Oh bordel. Alors, quand tu parlais des scénarios, alors, pour le scénario de base, on le connaît déjà. Le scénario de base, c'est de la part du pouvoir d'essayer de trouver le moindre clou qui dépasse et de lui taper dessus. Et c'est pour le moment l'état dans lequel il est, c'est-à-dire essayer de traquer le moindre citoyen qui sortirait pour terroriser le reste. C'est un peu l'effet Cassandre, hein, quelque part, de prendre des boucs émissaires. Une étape intermédiaire, on peut regarder ce qui se fait même dans certaines de nos contrées. Je pense notamment à la Corse. Comme beaucoup de Français, je suis victime de l'acharnement de l'État à vouloir limiter ma vitesse et la limiter à un niveau absolument intolérable. Et il y a une région où les radars ont très peu la cote, c'est la Corse, puisque les habitants les démolissent régulièrement. On revient à l'idée que, et ça fait partie du projet de Grande Bourgogne Blanche, que ça ne pourra que passer par, à moyen terme, la reconstitution de réseaux de solidarité qui sont indépendants de l'État. C'est-à-dire qu'il faut que les Français, moins dans un premier temps, acceptent que la République, c'est une sorte d'entité d'occupation, comme l'était l'Empire romain pour les Gaulois, c'est un agent extérieur et qui n'est pas le peuple, qui en est clairement distinct. Comme les Corses le font très bien et en s'infiltrant dans l'administration. On n'aura pas le temps. Ce sera déjà un progrès. Et en fait, il faut décoloniser la France jusqu'au bout, en fait. Mais c'est ça, n'empêche. N'empêche que c'est ça. Hein. C'est tout à fait juste. Et ben, ça me permet de rebondir sur ce dernier élément pour cette émission. Une affaire incroyable dont on avait parlé, c'est One Nation. Mais alors, la riposte du système est alors certainement pas surprenante, mais tout de même ahurissante. Il n'y a pas d'autre terme. Alors là, je cite France 3. Alors, il y a eu un barrage médiatique incroyable. Hein. Là, je cite France 3, mais tous les médias s'y sont mis, absolument tous. Le journal Le Monde, d'ailleurs... C'est là que, encore une fois, la cellule juive de désinformation et de police politique qu'on appelle Conspiracy Watch est intervenue. Donc, dans Le Monde, il y a eu un énorme papier sur One Nation, donc cette association dont je vais parler tout de suite, donc qui voulait acquérir des terres dans le sud de la France, simplement pour échapper à la tyrannie sanitaire. Donc, ce sont des gens, en fait, qui veulent vivre libre en dehors de toutes ces contraintes aliénantes que nous connaissons. Et alors, c'est Le Monde, effectivement, c'est Conspiracy Watch, évidemment, un organisme financé de manière occulte, mais en fait, c'est un organisme du pouvoir, vous l'avez bien compris. Mais pas uniquement, hein, y a toute une série comme ça d'articles qui se sont succédés au fil des semaines, depuis qu'on a su, et surtout depuis que les médias ont su, que cette association voulait acquérir ces terres. En fait, on parle d'une association, elle est loin d'être tentaculaire, puisque c'est d'abord et avant tout un couple qui veut acquérir ce bien. C'est 200 hectares de terre, hein, donc c'est-à-dire que c'est une très belle propriété, c'est une très belle ferme. C'est une ferme d'une belle taille en France, hein, 200 hectares, et il y a des vergers, etc. C'est vrai que l'endroit est magnifique. Et comment dirais-je, ce couple voulait s'installer là et vivre librement. En fait, en quelque sorte, c'est après. au fond, quand on enlève la communication autour de ça, c'est un couple qui veut déménager à la campagne pour pouvoir respirer un petit peu. En fait, il n'y a rien de très sorcier là-dedans. Sauf que ça ne va pas. Ça ne va pas puisque ce déménagement, cette rupture, cet autre white flight, finalement, comme il a une narration explicite, le couple expliquant qu'il veut fuir la tyrannie sanitaire, eh bien, les autorités commencent à réagir. Alors, d'abord les médias, ensuite, à proprement parler, l'exécutif, et voici donc cet article de France 3, évidemment à charge, hein, mais qui dit tout. Alors, ça se passe dans le Lot, le département, hein, très exactement. Alors, le domaine convoité par le mouvement complotiste, nous dire, voilà, One Nation, finalement préempté. Alors, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, la SAFER, a exercé son droit de préemption sur la partie agricole et cherche des agriculteurs pour acquérir ce bien. En terminant sa phrase, le maire de Sénaillac-Lozès, dans le Lot, Christophe Bénac, pousse presque un soupir de soulagement. Depuis 3 semaines, l'inquiétude règne au sein de ce village d'à peine 128 habitants. Le mouvement complotiste et anti-système One Nation avait lancé un financement participatif via un fonds de dotation afin d'acquérir un domaine de 200 hectares, estimé à 800 000 euros. Le projet porté par Alice Pazalmar, dont le véritable nom est Alice Martin Pascual, et son compagnon Sylvain Charles avaient déjà connu un premier coup d'arrêt le 7 octobre 2021. Ah oui, vous allez, ça va vous rappeler la cagnotte du fameux boxeur lors des Gilets jaunes. La suspension par le site Hello Asso de la cagnotte en ligne ayant déjà obtenu 270 000 euros de dons de la part de 650 donateurs. À ce jour, le fonds de dotation n'a pas encore réussi à obtenir une réponse d'Hello Asso concernant les motivations derrière cette décision et les modalités de versement-remboursement de cet argent récolté, avait réagi le couple sur son site internet. Et d'ajouter, nous tenons à communiquer notre soutien envers les administrateurs d'Hello Asso qui doivent subir des pressions de toutes parts. Que le courage les accompagne afin de choisir d'honorer les belles valeurs de leur manifeste concernant la suite du crowdfunding, un plan B est en préparation. Avec l'intervention de la SAFER, hein, donc qui est un organisme public, hein, révélé par le quotidien La Dépêche du Midi, ce plan B, afin de poser leur valise à Sénaillac-Lozès dans le Lot, est mis à mal à l'éventualité de cette arrivée, a provoqué localement une véritable levée de bouclier. Une pétition non à l'installation d'un groupuscule à dérive sectaire dans nos villages du Lot sur change.org a ainsi récolté 1000 signatures. Bon, c'est quand même pas un torrent de réactions. Ils sont contre tout. Ils veulent échapper à toute forme d'autorité. Cela a provoqué une véritable inquiétude dans l'ensemble de nos communes. Nous avons monté également un comité de surveillance et de vigilance composé de plusieurs maires du secteur. L'option de la SAFER était, dès le début, la seule option possible, ajoute Thérèse Vermande, maire d'Orniac, qui, je rappelle, enfin, qui je le souligne, est évidemment une boumeuse de la petite bourgeoisie locale. Ils sont, alors donc ça j'ai dit, ouais, cet élu connaît très bien le domaine, au cœur de cette affaire, ses parents métayers y vivaient, elle y aurait passé 30 ans de sa vie. L'endroit est très bien situé entre Rocamadour et Saint-Cirque-la-Popie. Jusque dans les années 80, ce vaste domaine vivait de polyculture, comme la plupart des fermes, puis s'est tourné vers l'élevage d'ovins, un site à vocation agricole que Thérèse Vermande ne souhaite pas voir disparaître. La maison de maître du domaine reste à la vente, explique Christophe Bénac, donc le maire en question de la ville. Ils peuvent encore l'acquérir, une préoccupation d'autant plus vive que le maire de Sénaillac-Lozès a rencontré Alice Pazalmar, cette dernière lui a présenté ses projets. Nous avons échangé sur le domaine, nous l'avons interrogée afin de savoir pourquoi elle avait choisi cet endroit, et elle nous a répondu en gros que pour elle c'était le paradis. Elle se sentait à l'aise, elle se sentait bien, c'était la nature et c'était des bâtiments comme ceux-là qu'il lui fallait pour tous ses ateliers. La jeune femme n'a pas caché au passage sa volonté d'attirer plus de 200 personnes sur place et à terme ravir la mairie. Mais l'apaisement reste de courte durée, plusieurs interlocuteurs évoquent la possibilité pour Alice Pazalmar et Sylvain Charles, encore récent actionnaire d'une start-up nantaise spécialisée dans l'immobilier, de se tourner vers d'autres zones de la région. La situation a affecté nos villages, notre département, mais au-delà, conclut le maire d'Orniac. Nous attendons la suite, mais pour moi, l'histoire n'est pas finie. Voilà. Alors, donc, vous avez compris que on est rentré dans un mécanisme absolument orwellien, où on est à deux doigts du communisme. Hein. Donc la SAFER, organisme public, se met à préempter, c'est à bloquer les ventes en disant « je me porte acquéreur ». Mais pour se porter effectivement acquéreur, il faut débourser, il faut payer. Donc cet organisme public se condamne lui-même à acheter systématiquement tous les biens pour lesquels le couple en question, au nom de son association, signerait un compromis de vente. Donc à chaque fois qu'il y a un compromis de vente signé, la SAFER doit acheter le bien. Donc moi, je les invite éventuellement peut-être à voir des biens un peu plus gros, peut-être à 2-3 millions d'euros pour faire sentir passer la dragée à cet organisme de crapule communiste. Mais voilà, là, on est dans le communisme. C'est l'Union soviétique. Hein, voilà. Donc vous n'avez pas le droit d'acheter ça. Pourquoi ? Bah, on n'aime pas ce que vous dites. Donc, la puissance publique achète. Alors, on est dans le Lot. Alors, dans le Lot, il faut savoir qu'on est dans une zone rurale. Dans ce territoire-là, dire que l'État a abandonné, c'est un euphémisme. C'est-à-dire que les infrastructures sont en train de s'écrouler, les écoles sont en train de fermer, c'est en train de crever. C'est en train de crever. Tous ces politiciens locaux n'en ont strictement rien à foutre, on les entend jamais. Et quand vous avez des gens qui arrivent en disant, parce qu'ils ont une philosophie axée sur des valeurs assez saines, des valeurs de liberté concrète, hein. Eh bien, là, tout d'un coup, tous ces maires dont on n'entend jamais parler sortent du bois, entourés de hordes de boomers qui hurlent au complotisme, au conspirationnisme, bref, ils régurgitent exactement tout ce que les médias répètent. Voilà. Et donc, ils veulent absolument pas que des gens viennent s'installer. Voilà. Et donc, ils sont prêts à cracher un maximum de blé dans un département qui, par ailleurs, est totalement sinistré. Donc, ils vont racheter des biens qui ne servent à rien pour essayer ensuite de les faire acheter à des paysans qui ne se portent jamais acquéreurs puisqu'ils n'ont pas le premier sou ou qu'ils abandonnent. Voilà. Alors, maintenant, j'aimerais votre réaction sur ce cas précis et sur les enseignements qu'on peut en tirer. Mais je pense que ça fait le lien avec ce qu'on disait avant sur le rôle de l'État, etc. Hein, je veux dire, là, on est au cœur de ça et je trouve que c'est pour ça que c'est bien d'en parler. Bah, oui, une fois de plus, on a une réaction de défense d'un État. Et les gens de One Nation, notamment la Alice, sont des gens qui dont la spécialité est de n'en avoir à peu près rien à foutre du droit. Donc, eux, ils acceptent que les règles qu'ils ont envie de reconnaître. Donc, à partir de là, ça devient des gens très très subversifs. C'est des gens qui vont poser problème, surtout s'ils commencent... Tant qu'ils sont individuels encore, ça va. Tant que c'est une personne, c'est juste la Alice avec ses gosses. Bon, mais s'ils commencent à s'organiser à plusieurs... là, on va avoir des zones de non-droit, on va avoir des zones où l'État peut pas trop gérer, et autant ça, il peut l'accepter de la part des halogènes, autant il ne peut en aucun cas l'accepter de la part de blancs, fussent-ils des gens au demeurant à l'idéologie très gauchiste. Mais voilà le problème. C'est la même raison pour laquelle on a les survivalistes dans le collimateur et qu'il y a un début comme ça de propagande, de narration anti-survivaliste. C'est la même raison pour laquelle on a interdit le bar associatif du bastion social. On peut en aucun cas, on ne doit, l'État ne doit en aucun cas laisser des blancs s'organiser. Oui, même pour des activités qui ne sont pas à proprement parler illégales, parce que rien. Alors, ils disent, voilà, nous ne reconnaissons pas, nous sommes des. On peut dire, bon, ils sont soit dans la mouvance libertarienne, soit dans la mouvance anarchiste. Chacun les classera comme il voudra, mais vous comprenez bien l'idée, c'est-à-dire qu'en fait, comme tu l'as bien dit, voilà, ils ne se reconnaissent pas dans les autorités en place. Mais, je veux dire, à partir du moment où ils n'attaquent pas frontalement la loi, et dans ce qu'ils font là actuellement, moi je ne vois rien d'illégal. L'État n'a pas de compte à leur demander, tu vois ce que je veux dire. Mais maintenant, je comprends parfaitement la réaction de l'État. Mais enfin, je la comprends. Mais non, enfin, je la comprends. Oui, intellectuellement, je la comprends, mais évidemment, je la désapprouve. Mais comment dirais-je, rien d'illégal. Ça, c'est le fait. Et c'est ce qu'il y a de, je trouve, de très frappant dans la méthode utilisée, c'est qu'on ne peut pas les interpeller, les arrêter pour une activité illégale. Sinon, ça aurait été déjà fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On passe par la bande. Mais par la bande, en préemptant des ventes. Et là, on voit que ça... Ah ouais, non, mais en fait, le droit de propriété, bon, qui est censé être garanti par la Constitution, normalement. Hein. Bon, la Constitution, vous savez très bien ce que... Hein, ce que bon, voilà. Mais bon, c'est censé, au terme du discours démocratique, c'est censé être un pilier. Or, on dit, ah ouais, non, mais en fait, non. Ouais, non, mais en fait, la propriété, hein, voilà, hein, c'est quand on a bien envie, hein, quand même. Hein, voilà. Et là, hop, t'as des organismes, ils arrivent, non, c'est bon, c'est... on préempte, voilà. Ils sortent les millions. Ils sortent les millions, hop, ouais, on rachète. Ils savent pas ce qu'ils vont en foutre, mais ils rachètent. Et là, tu te dis, bon, d'autant que, si tu veux, c'est pas une organisation très puissante, c'est pas une organisation très nombreuse, c'est-à-dire, c'est vraiment, en gros, c'est un couple qui ont des soutiens, indéniablement, hein, qui se reconnaissent dans leur démarche, mais enfin bon, je veux dire, les salafistes ont carte blanche en France, par exemple. On en parlait, quoi. Bon, c'est pas des blancs. C'est pas des blancs, oui, tout à fait. Alors bon, les salafistes, les plus visibles, il y avait eu un reportage là, à Argenteuil, bon, en fait, soi-disant qu'ils serraient la vis, c'était qu'on allait voir ce qu'on allait voir, puis en fait, au quotidien, il se passe rien, quoi. Et là, autant, on achète, on verrouille et tout. Mais non, moi, je vois bien ce que tu veux dire, effectivement, tu as raison. Mais moi, je pense que cette nana-là, la petite Alice, One Nation, en vérité, sont des gens très, très subversifs, parce que sont des gens... ils sont sans étiquette. Leur idéologie, elle est très, très simple. On dirait des enfants de 7 ans quand ils parlent. C'est ce qui les rend très dangereux, parce que tu y rentres pas dans une idéologie qui serait tenue par des groupes. C'est vrai qu'ils tiennent un discours un peu anarchiste, mais c'est pas des anarchistes. Donc, il n'y a pas l'association, la structure, le parti politique, le syndicat pour les encadrer. Ce sont des gens qui essayent... Le principe même de One Nation, c'est de court-circuiter tout ça. Il y a un côté très gilet jaune dans la démarche, avec quelques idées très très simples, mais aucune structure derrière. Et comme ces idées très très simples, elles sont directement tournées par contre l'État, le refus de reconnaître l'autorité de l'État... Moi, je pense en vérité qu'elle paye pas de mine, la petite Alice. C'est clairement pas quelqu'un de notre clientèle, mais moi, je pense qu'elle représente un mouvement effectivement extrêmement dangereux, parce que totalement hors de contrôle. Déjà, en fait, il y a déjà eu des initiatives comme ça. Hein, je veux dire, ça existe. Je veux dire, le Larzac, c'est exactement ça. Dans les années 60, les zadistes... Oui, mais c'était pétri d'idéologie, ouais. C'est repris par des organes. Ouais, tu là, pouvais, c'est ouais. Vraiment... Il n'y a pas d'organisation. Demain, aujourd'hui, c'est cette petite Alice qui mène le mouvement. Demain, c'est une autre personne, et une autre, et une autre, et une autre. C'est... Ah oui, tout à fait, non, mais je suis d'accord. Il n'y a pas de structure à subvertir. Ouais, je vois ce que tu veux dire, tout à fait. En tout cas, les moyens qu'ils déploient, donc vraiment proprement communiste, parce que ça consiste en fait à suspendre le droit de propriété, hein, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'on dit à ces gens-là, vous, l'accès à la propriété, non. Pourquoi vos options philosophiques ou votre choix de vie, on est contre. En fait, ils sont totalement fondés, évidemment, je les invite pas, puisque ça ne sert à rien, mais ils sont fondés à porter plainte pour discrimination, pour reprendre la phraséologie du système. Vous avez bien compris, on en a parlé au début de l'émission, la discrimination, il est bien entendu que ça marche quand on appartient aux bonnes catégories de population, sous-entendu les allogènes, les juifs, etc. Mais si vous êtes un petit blanc et que vous dites « Ah ben là, je suis discriminé par l'État qui m'interdit de jouir de mes droits fondamentaux, donc celui d'accéder à la propriété, au titre de mes convictions religieuses, là, non, désolé, les valeurs de la République. Bon. » Alors, ça, c'est pareil, hein, ça, c'est les valeurs républiques, ça dépend quand, avec qui, ou voilà. Alors, ça, aux États-Unis, si vous voulez, ça, un cas comme ça, ça mériterait d'être diffusé aux États-Unis. Parce que ça choquerait beaucoup les Américains. Parce que là, vraiment, ça permet de montrer à quel point la France est consubstantiellement un putain d'État communiste. À quel point l'État peut vraiment faire ce qu'il veut, quand il veut, et vraiment. Je veux dire, empêcher les individus d'accéder à des choses vraiment élémentaires simplement pour faire prévaloir son idéologie communiste. Parce que c'est quoi l'histoire de la vaccination de masse ? C'est de traiter les gens comme du bétail, hein, ni plus ni moins. Donc on est vraiment au cœur de cette matrice j'allais dire, communisante, marxisante, qui est sous-jacente hein, dans le globalisme. Hein, je veux dire, il suffit de regarder les idéologues hein, de ce mouvement hein, en ce moment. Hein, je veux dire, j'ai déjà cité hein, Piketty, etc. C'est des socialistes achevés. Hein. C'est des socialistes se référant explicitement à Marx. Hein. Et pour eux, la propriété, c'est absolument horrible, bien évidemment. Donc, derrière cet interventionnisme étatique, justifié par le complotisme, donc on revient au truc, c'est-à-dire complotisme, qu'est-ce qui est complotisme? Ça commence où? Ça finit où? C'est quoi? C'est une définition légale, complotisme? Parce que là, actuellement, les pouvoirs publics agissent dans ce dossier pour lutter contre le complotisme. Est-ce qu'on peut me citer un seul article de loi en France sur le complotisme? C'est quoi? Je veux dire, c'est quoi? Vous voyez, c'est... bon. Et alors, s'y ajoute, c'est pas dans l'article, mais s'y ajoute un truc, parce qu'ils ont besoin, justement, de catégories légales. Alors, ils voient bien que s'ils se réfèrent à des machins comme complotistes, bon, ils sentent que c'est un peu trop liquide comme définition, ils ont besoin d'un truc un peu plus dur. Et alors là, le gros truc qu'ils font, ils ont réactivé un machin qui était pratiquement mis en sommeil, c'est le bidule de lutte anti-secte. Je ne sais pas si vous connaissez ce machin-là, ils en ont changé le nom. Donc, pareil, hein, on paye des communistes à aller jouer les flics dès qu'il y a un mouvement qui ne plaît pas aux loges du Grand Orient. Donc, voilà, j'ai résumé en gros le truc. Voilà. Dès que ça ne plaît pas à des juifs, notamment ceux de Conspiracy Watch, là, Reichstag et Mendes, ou, comment dirais-je, ou à des loges maçonniques gardiennes de l'idéologie révolutionnaire, entre guillemets, ce bidule vous fout dans une catégorie qu'ils appellent dérive sectaire. Notez qu'ils ne vous donnent même pas secte. Dérive sectaire, au pluriel. Alors, une dérive, c'est assez extraordinaire. C'est comme l'expression dérapage dans la presse. Vous savez, ah, il a fait un dérapage. Pourquoi il y a une ligne à suivre? Je ne comprends pas. Voilà, donc là, c'est dérive. Ah bon, vous dérivez. Oui, parce qu'ils avaient au début tenté des sectes, mais ils n'ont jamais trouvé de définition correcte. Alors, maintenant, c'est dérive sectaire et c'est eux qui choisissent ce qui est une dérive ou ce qui n'est pas. Ouais, voilà, c'est ça. Et, bah oui, parce que si on utilise le mot secte, moi, j'ai des catégories à proposer hein, qui me paraissent assez facilement identifiables. Mais pour le coup... J'ai peur que ça soit un peu antisémite. Voilà, un peu antisémite. Franc-maçonnerie, quoi. Oui. Oui. Donc voilà. Donc en fait, ce qui est en train de se passer par rapport à One Nation, c'est qu'on... et ça, c'est dans la presse, parce que dans les articles pour les diffamer, parce qu'ils ont été activement diffamés, hein, il y a eu... Enfin, toute la presse régionale s'y est mise, en plus de la presse parisienne. Et alors, ils ont tout de suite activé une espèce de rombière dans le département de l'Aude, qui est un département, mais truffé par de loges, je veux dire. C'est un département de loges. C'est un département maçonnique, l'Aude. Région de Perpignan, etc. C'est truffé de maçons. Il n'y a pas un élu local qui n'est pas de la maçonnerie. Il n'y en a pas un. Et alors, ils ont sorti cette rombière qui s'est mise à jargonner sur le thème des dérives sectaires à propos de cela. Et dit, il faut agir très vite, tout de suite, rapidement, machin, parce que sinon, vous comprenez, voilà. Et c'est là qu'on a commencé, que la presse, donc la presse maçonnique, hein, notamment du... Dans tout ce secteur-là, il y a le juif Bailey aussi, là. Le juif Bailey, là. Qui s'est mise à leur calquer ça sur le dos. Et au titre de secte, bah, alors là, on peut s'amuser, parce que là, tout d'un coup, on peut mobiliser les services, comment dirais-je, type DAS et compagnie pour saisir les gamins et tout, vous comprenez, voilà, c'est par là qu'ils veulent agir, vous voyez, c'est comme ça que ça marche, quoi. Donc, et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de si sectaire que ça? Bah, ils ont juste dit, bah non, mais vous, votre truc avec vos passeports sanitaires et tout, ça ne nous intéresse pas. Et on a envie de vivre entre nous, tranquillement, à la campagne, dans la nature. Ça fait, c'est compliqué quand même, hein, tout ça. Hein, voilà. Donc, et ça, alors, je te rejoins. Je suis pas naïf. Bien évidemment, à partir du moment où tu dis, ah, le système sanitaire, je veux en sortir, clairement, t'es un ennemi d'État. Hein. Mais non, mais elle et ce groupe-là, ils vont beaucoup plus loin que ça. Ils refusent tout, en fait. Ils refusent de déclarer leurs enfants en mairie, ils refusent les plaques d'immatriculation, ils roulent sans assurance, hein, ils refusent tout le système, toute l'administration. Ça me rappelle les gitans et les arabes, mais bon. Mais oui, non, on en parlait tout à l'heure, ouais. On disait on va devoir devenir des nomades. Eh ben, cette petite Alice, elle a Inconsciemment, elle a totalement intégré ça, et c'est ce qu'elle fait. C'est une femme qui a vécu dans un camion sans immatriculation. Enfin, si, elle avait fait sa propre immatriculation avec ses enfants, elle l'avait appelé son bus gros doudou, et elle roulait comme ça, et personne ne pouvait l'arrêter, parce que comme c'était son domicile, les flics ne pouvaient pas lui confisquer le camion. Mais Et elle a largué la police comme ça avec pendant des années. c'est bizarre qu'ils aient pas saisi ces gosses. Mais il y a des gens qui ont essayé de faire ça, certains sont fait prendre leur gosse, et d'autres sont passés entre les mailles, comme cette nana, pour l'instant. Ouais, pour l'instant, ouais. Peut-être parce qu'il y a du monde Mais derrière, je sais pas. quand on aura 100, 1000 comme ça, Ah oui, tout à tu vas fait. saisir tous les gosses? Ah non, tu peux pas. Non, non. Eh ben non. Et le problème, c'est que le mouvement est en train de faire tache d'huile. Alors peut-être qu'ils arriveront à casser One Nation. Mais moi, j'ai la conviction. Et personnellement, moi, je suis très, très, très, très favorable à ce mouvement et je leur souhaite que du bien. Alors, par contre, là où ils ont commis une erreur, bah, c'est en apprenant c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme dit l'expression. C'est en fait qu'ils ont été très ouverts, très, très, très, très transparents par rapport à leur initiative. C'est-à-dire, à aucun moment, d'ailleurs, ce qui est le contraire d'une secte, parce que les sectes, normalement, vous savez, les financements sont toujours occultes, on ne sait pas exactement d'où vient l'argent, on ne sait pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils font, comme la maçonnerie, quoi. Je suis obligé de la citer, c'est pas de ma faute. Dans le cas de Cassandre, d'ailleurs, parce que tu citais tout à l'heure, cher Zicombix, tu citais Cassandre, qui a été condamnée finalement à payer, je crois, 9 400 euros à la juiverie écumante pour avoir brandi une pancarte sur laquelle il y avait des goïms et des juifs. Mais je veux dire, bon, elle n'était pas à proprement parler antisémite. Bon, là aussi, c'est extraordinaire, exégèse rabbinique, voilà, t'es coupable même quand, bon, voilà, et le Mnaï-Brit s'en félicitait publiquement, donc on a bien compris qui avait donné les ordres. Le Mnaï-Brit, c'est la franc-maçonnerie juive, suprémaciste, qui interdit explicitement à des non-juifs d'appartenir à leur... Mais comment appelle-t-on ça si ce n'est une secte, je veux dire? C'est une secte, je veux dire, bon. Et ces gens-là, c'est eux qui dictent la conduite des tribunaux en France, hein? C'est cette juiverie-là. Au contraire de One Nation qui disait. Alors, ça a été tellement loin dans la transparence qu'ils sont passés par un organisme public, ce qu'ils appellent un fonds de financement. Alors, en fait, c'est un truc public. C'est-à-dire que vous pouvez monter un fonds de financement comme ça. Il y a des conditions à remplir et tout, mais il faut faire un dossier. Vous remplissez les conditions. Et ensuite, vous pouvez, comme ça, dans ce cadre-là, lever des fonds. Donc un financement participatif dans le cadre législatif prévu. Ils n'ont pas du tout cherché à... Je sais pas, ils n'ont pas créé un pot commun, etc. Et ensuite, au titre de ça, ils sont passés par Hello Asso, voilà. Et là, ils découvrent que non, non, ça ne marche pas comme ça. C'est que tu respectes ou pas la loi, c'est pas grave. C'est ça le truc que nous apprend cette affaire, c'est que dès le début du processus, ils respectent la législation, ils font tout en toute transparence, et en dernière instance, leur financement parfaitement légal est suspendu sans explication. Bon, le fait du prince, on sait pourquoi. Et le bien qu'ils voulaient acquérir parfaitement légalement, et pour lequel ils avaient signé un compromis de vente, est préempté, c'est-à-dire qu'il est saisi par le bidule communiste à la botte de la maçonnerie locale représentée par toute la clique mais qui font que réagir aux ordres des préfets, bien évidemment, et du gouvernement central, quoi. Donc des juifs, bien évidemment, de Conspiracy Watch, etc. Hein. Alors là, ils ont découvert comment ça marche vraiment. Et en fait, moi, c'est ça que je leur dirais, bah, pour la suite, quoi. Vous ne pouvez pas fonctionner comme ça. Vous ne pouvez pas fonctionner avec des banques traditionnelles, vous ne pouvez pas fonctionner avec des plateformes de crowdfunding qui sont établies en France. Tout sera saisi. Ça ne peut pas marcher. De la même façon, vous ne devez pas dire quel bien vous voulez acquérir à l'avance, parce que sinon, le système a un temps d'avance sur vous et ce qui se passe, c'est qu'il le préempte. Donc en fait, dans leur démarche, et même si je comprends qu'ils aient été, on va dire, pris de court, parce qu'ils ne s'y attendaient pas, mais dans leur démarche, il y a tout ce qu'il ne faut pas faire en 2021 en France, et bientôt 2022. Voilà, il ne faut pas dire ce que vous voulez acquérir publiquement. Il ne faut pas le dire. il ne faut pas passer par des mécanismes de financement public. Vous oubliez. On ne passe pas par des banques traditionnelles. Vous oubliez. Vous ne faites rien de cette façon-là. Voilà, vous ne pouvez pas avoir cette action publique. Alors, il y a des gens qui vont trouver ça extrêmement pénalisant, certainement, mais il y a toujours des moyens de s'organiser. Il y a toujours des moyens de s'organiser, mais clairement, vous ne pouvez pas fonctionner comme ça. Vous ne pouvez pas fonctionner comme ça, sinon il se passe ce qui leur arrive maintenant. Donc, ils peuvent avoir une visibilité. Ils peuvent dire, voilà, nous, notre démarche, c'est ça, on veut acquérir un bien, mais ils ne doivent pas donner de détails sur qui, quoi, qu'est-ce. Et ils doivent trouver un mécanisme pour poursuivre. Et moi, je leur dirais, pour le financement, parce que ça, c'est clair qu'ils vont avoir ce problème-là, enfin, ils ont ce problème-là qui se pose tout de suite, c'est celui de comment fait-on pour lever les fonds dont nous avons besoin pour mener à bien nos projets ? Eh bien, la réponse, c'est Monero. C'est pour ça que moi, j'en fais la promotion depuis plusieurs années ici. C'est grâce à Monero qu'on fonctionne. Et ça a vocation à être utilisé. C'est pas un objet abstrait, théorique. C'est un objet pratique. Monero, ça ne sert qu'à être utilisé. Pardonnez-moi la tautologie. Ça ne sert qu'à être utilisé. Et ça, ils ne pourront rien faire contre. Et l'avantage que j'y vois, moi, si d'autres groupes, des mouvements comme ça, enfin, c'est pas vraiment structuré leur truc, mais bon, on va dire la mouvance qui se reconnaît dans leur philosophie et qui veut les soutenir, eh bien, se familiarise avec Monero, comprend pourquoi c'est important d'avoir des crypto-monnaies intégralement anonymes, et l'adopte, ça devient un vrai moyen de résister à cette tyrannie. C'est sa fonction, Monero. Vous voyez ? Et ça, je pense qu'ils auraient grand intérêt parce que c'est simple de manipulation, je veux dire d'adoption, ils auraient intérêt de comprendre cet outil et de l'adopter et de le faire connaître à leurs centaines de donateurs, de leur dire voilà, passez par Monero, ça fait ta jus, c'est un cercle vertueux. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Donc ce qu'il ne fallait pas faire, ils l'ont fait, ils l'ont appris. Maintenant il faut qu'ils changent de stratégie, et quand ils lèvent leur fonds, il faut qu'ils passent par des moyens qui ne sont pas saisissables par l'État, parce que l'État peut rien faire pour saisir les fonds sur Monero, absolument rien faire. Mais là, vous rentrez vraiment dans la résistance dure, quoi. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Ça, c'est voilà. On est au cœur du problème, quoi. C'est marrant de voir la différence un peu de médiatisation, hein, entre une ZAD, une zone autonome, là, pleine de gauchistes, bourrée d'idéologie, inféodée à des groupuscules, Black Blocs, Antifa, etc. Pour qu'elle, notamment je pense à celle de Notre-Dame-des-Landes, qui n'a jamais rencontré, c'est une ZAD, je ne sais même pas si elle existe encore, c'est possible, enfin, ça a duré plus de 10 ans, l'État était très cool, parce que s'il avait vraiment voulu intervenir, ça n'aurait pas duré 10 ans cette affaire. Et le traitement médiatique était plutôt sympa. Alors que là, on a nos petits oiseaux de One Nation qui débarquent, le ton monte très très vite. Très très vite. Ah oui, il est monté très vite et on en est terminé, enfin on a terminé sur le dérive sectaire et comment, et voilà, enfin on a eu la totale comme on l'a bien explicité, quoi. La différence, c'est que ces gens-là, il n'y a pas de structure, hein. Ouais. C'est ça. Le vrai critère, c'est ça. C'est est-ce que si t'es dans un groupe d'antifa, de machin, affilié à un parti, une asso sous contrôle, ça va. Tant que t'es pas d'extrême droite. Là, par contre, ça va plus. Mais si t'es d'extrême droite ou si t'as pas d'affiliation, que t'es vraiment libre, alors là, ça va mal se passer. Puis-je ajouter quelques précisions ? Ah, vas-y. Alors, concernant le complotisme, pour que certains, on en rigole souvent, mais que certains réalisent tout de même l'ampleur de la gravité normale de cette accusation. C'est vrai que le mot complotisme n'existe pas en droit français. Par contre, le complot, ça existe. Et le complot est précisément l'intention ferme de commettre un attentat. qu'on s'entende bien que, par extension, ce qu'on appelle un complotiste, c'est quelqu'un qui, au moins dans l'imaginaire de l'État, quelqu'un qui envisage de commettre des attentats. Ce n'est pas une accusation anodine. Sur la diabolisation, je suis allé voir l'affiche d'Alice Palmazar sur Conspiracy Watch. Il est très intéressant, comme tu l'as souligné, Gandalf, de voir à quel point on essaie, par toutes les tentacules de la pieuvre, si j'ose dire, de la rattacher à tout ce qui peut susciter en chaque Français un frisson de « on sait bien où ça mène », les origines soi-disant nord-américaines du mouvement, des liens avec Rémi Daillet et bien sûr des prises de position fanatiques. Alors sur cette prise de position, ils ont relayé sur Conspiracy Watch la principale déclaration de l'intéressé qui dit en substance « je m'émancipe de l'État français puisque je n'ai jamais voté, on ne m'a jamais demandé mon consentement pour les lois auxquelles je suis soumise », ce qui est le principe même du contrat social. Donc il est toujours aussi, faut aussi que les gens, bon, ceux qui nous écoutent en sont déjà convaincus, soient bien conscients que le contrat social n'est qu'une fiction, bien sûr, et qui sert à poser les bases de la dictature républicaine. C'est tout, hein, parce que des gens en 58 ont voté pour un texte, les Français sont liés jusqu'à la fin des temps. Enfin, la fin des temps risque d'arriver assez vite vu l'évolution de notre démographie. Enfin, quand tu parlais de la méthode, effectivement, très, très, très maladroite, à ceux qui pensent que ce qu'a fait la SAFER est exceptionnel, toutes les personnes, c'est pour ça que je souhaite intervenir, toutes les personnes qui désirent acquérir, c'est le mot, un terrain agricole, peuvent se voir opposer cette préemption par la SAFER. Et la SAFER a simplement à justifier vaguement un motif d'intérêt général disant qu'elle veut ensuite revendre ce terrain ou le donner à des agriculteurs. Et ceux qui se diraient « ouais, bon, bah, échapper à ça, on va faire un truc en zone un peu en banlieue ou en zone urbaine ». En zone urbaine, on peut un peu plus tricher parce que la mairie n'a que 2 mois pour préempter. Donc en substance, si vous voulez avoir un projet au moins en zone périurbaine, sur un terrain qui n'est pas un terrain agricole, d'acquérir ce genre de choses, il faut vraiment que vous soyez sûr que dans un délai de 2 mois suivant la mise en vente, votre identité ne soit pas révélée, de sorte que la mairie n'ait pas le temps de s'affoler et de préempter. C'est dire si on est en terrain minier. Oui, en sachant que si jamais 2 ou 3 passent les gouttes et qu'ensuite ils sont signalés, le législateur va s'empresser de passer la date à 1 an, 3 ans, ou la date qui lui conviendra, pour s'assurer de préempter, même rétroactivement. Hein, je veux dire, ils en sont absolument capables. De toute façon, le régime républicain est prêt à tout. Oui, il ne faut pas trop se faire d'illusions. Non, je veux dire, là, oui, dans un cas où là, tu peux exploiter une faille, mais je veux dire, si... Je pense d'ailleurs qu'en loge, ça doit sérieusement discuter pour s'assurer que les modifications nécessaires soient apportées au droit français pour protéger le citoyen, hein, de ce type de menace. Hein, parce que, il fallait voir le spectacle, parce que là, je n'ai pas cité les reportages qu'on a eus, mais sur BFM TV, c'est absolument hallucinant. Vivement que ces boomers disparaissent. Hein, je veux dire, vivement qu'ils disparaissent, quoi. Oui, vraiment, ça devient urgent là maintenant, parce que ça n'était que des gens comme ça, ce n'était que des vioques, et c'est des vioques qui sont branchés sur RTL, quoi. Je veux dire, ils n'ont rien d'autre à dire, hein. Ils n'ont rien d'autre à dire. Il y a une, enfin c'est bon, pas bon. En tout cas, tes précisions sont très très utiles, Zyklombix. C'est bien de préciser qu'effectivement la SAFER peut agir de la sorte quand elle veut, où elle veut, sur tous les dossiers, et pas seulement au titre d'une justification sectaire ou je ne sais. Non, ça peut arriver à n'importe qui. Donc, je cite beaucoup l'éloge parce que dans ce type de truc, c'est quand même un peu ça. C'est-à-dire que c'est des accords entre mafieux qui issus des notables du secteur qui s'arrangent entre eux. Donc voilà. Et alors comme eux, ce mouvement a vraiment communiqué sur son acquisition, sur YouTube notamment, bon, je veux dire, ils ont, y a pas eu d'effet de surprise et ils n'ont pas pu placer les autorités devant le fait accompli. Ce qui les mène à la situation actuelle. Donc, moi, je les... Évidemment, ils vont, faut savoir, il faut savoir que maintenant, conséquence, la préfecture, n'en doutez pas un instant, fait la liste de tous les biens en vente dans le secteur, et même, très évidemment, des départements voisins, pour que soit signalé tout profil d'acquéreur potentiel d'un bien qui ressemblerait aux intéressés. C'est-à-dire que, voilà, c'est entendu, ces gens-là, le couple en question, sur tout le territoire français, alors ça, la machinerie va prendre un peu de temps, mais c'est ce qui va se passer, c'est que ces gens-là, au bout d'un moment, ne pourront pas acheter rien, quoi que ce soit. Donc il va falloir qu'ils trouvent un montage. Il va falloir qu'ils trouvent un montage, par un biais ou par un autre, en passant soit par un tiers, ou... Il va falloir qu'ils innovent, mais c'est la situation actuelle. Ouais, voilà, pourquoi j'en parle ? Ce n'est pas uniquement à cause de leur mouvement, c'est que ça a vocation à être appliqué à tout le monde. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas un pro-vax fanatique totalement à genoux devant les juifs et à genoux devant l'État, virtuellement, on pourra vous foutre dans un fichier et vous n'aurez pas le droit d'accès à la propriété. Quoi. Alors, je l'ai dit que j'étais contre l'accès à la propriété, individuellement, etc. Bon. Là, évidemment, c'est dans le cadre d'un mouvement. C'est si un mouvement veut acquérir pour la durée, pour s'organiser des biens, ce qui est évidemment différent du cadre d'une famille, d'un Français de la classe moyenne qui veut vivre quelque part. Quoi. Donc là, c'est autre chose, c'est pour un mouvement qui se structure, qui s'organise, et qui donc veut des points d'appui. Voilà. Alors, il est évident qu'ils vont, ils vont essayer de l'intéresser. Ça intéresse aussi, et j'en parle, les survivalistes, dont parlait très justement Porovitch. Les survivalistes, ils sont catalogués dans la catégorie complotiste dont Zyklombix nous a dit ce qu'il signifiait dans l'imaginaire gouvernemental. Donc, ça commence à faire des catégories, vous voyez. Hippie anti-vax, survivaliste, ultra-droite. Alors, ultra-droite, contrairement à ce que son nom indique, parce que quand on dit ultra-droite, on a l'impression que c'est vraiment la frange la plus restreinte, parce que la plus violente, la plus radicale. Mais en fait, quand vous regardez son application, en gros, ultra est très mal utilisé, très mal employé, parce qu'au fond, il n'y a pas besoin d'être tellement d'ultra-droite pour tomber dans la catégorie d'ultra-droite. C'est appliqué avec générosité par le ministère de l'Intérieur et les médias. Donc voilà, je vois les catégories très élastiques qui sont créées là, dans les médias, dans la presse et par l'État, dans laquelle on met joyeusement tout ce qui ressemble plus ou moins à quelqu'un que la classe dirigeante n'aime pas, et que cette République n'aime pas, et ces gens-là se font priver de leurs droits. C'est en ça que ce cas m'intéresse aussi, c'est avec quelle facilité les droits fondamentaux d'un individu aujourd'hui en France, en 2021, peuvent être suspendus. Sans que ça suscite, évidemment, de récrimination de la part de la presse, qui, au contraire, est enthousiaste et les réclame. Elle les réclame. J'avais dit la semaine dernière, et je le répète depuis un certain temps, que le fact-checking, c'est la presse qui supervise le peuple, et non plus la presse qui supervise le pouvoir. Donc, il y a un renversement de ce côté-là. Et maintenant, c'est une presse qui, quoi qu'elle se targue d'être de filiation droit de l'homiste, hein, en tout cas en Afghanistan, est en pratique, en France, une presse organisée, unanime, dans son militantisme pour suspendre les droits fondamentaux des gens qu'elle n'aime pas. J'ai dit tout à l'heure, un peu avant, que tout ça se terminerait par un grand revirement et par des explosions spontanées de haine de la part de la population. Je pense que les journalistes seront parmi les premiers à fuir à l'étranger. Là aussi, dans un revirement. Vous voyez ? Je pense que ça se passera comme ça. Parce que là, tout ce qu'ils font, là, moi, je ne pense pas que ça puisse durer. Ad vitam aeternam. Ces journalistes ne peuvent pas accuser en permanence le peuple de mentir au titre du complotisme, prétendre les surveiller en disant de détenir la vérité, comme ils le font, faire pression sur les pouvoirs publics à coup d'articles et de tribunes et de pseudo-analyses en disant voilà, celui-là, n'a pas à avoir de droits fondamentaux, que ce soit accéder à la propriété, que ce soit de s'exprimer, que ce soit de se réunir avec d'autres personnes, donc le droit de réunion, etc. Tout ça sont des, moi, ce que j'appelle les libertés anthropologiques, j'ai déjà dit, mais c'est des libertés anthropologiques, c'est pas un privilège. D'accord ? Quand vous exprimez une opinion, c'est pas un privilège particulier. Quand vous donnez votre opinion sur quelque chose, c'est pas un privilège particulier. Quand vous accédez à la propriété, c'est pas un privilège particulier. De la même manière, quand vous n'avez pas envie de vous foutre un masque sur la gueule pour mijoter dans vos miasmes, c'est pas un privilège. Vous voyez, quand vous n'avez pas envie que vos gamins se fassent injecter un produit expérimental vendu par des juifs à prix d'or, c'est pas un privilège. Or, c'est ce qui semble, on bascule dans un système de privilèges. Bon, messieurs, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.